Bonjour. Direct du vendredi 13 mai 2022. Je ne sais pas si on m'entend bien. Il n'y a personne, semble-t-il. Je devrais peut-être faire de la lumière, en tout cas. Donc, on va attendre que les gens arrivent. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est drôle, ça. Il y a des choses, je me dis, ah, je pourrais parler de ça, tout ça. Dès que j'arrive au direct, je m'en souviens plus du tout, donc je vais vous attendre. Comment ça, j'ai donné un pouce, puis ça me dit qu'il n'y a personne. Ah, 7, ah, vient d'en arriver 7 d'un coup. Donc, je vais attendre que vous arriviez. Content de voir, ben moi aussi, je suis content, même si on ne se connaît pas vraiment, mais je suis toujours content que. De sentir qu'il y a des présences quand même, puis que je parle pas dans le vide. Dans le vide, quelle ville? Oui, va bon. Bonjour à tous. Libertassim, vous venez de vous abonner, ça fait hier, je pense. Bonjour. Valila de Belgique. Beaucoup d'Européens, c'est normal à cette heure-là, peut-être. Terranistchem, bonjour. Libertassim, ok. On se connaît. Ah bon, on se connaît. OK, si vous le dites. Bonjour, Marie-Jeanne, le chat. Je mange les fraises et par hasard, je vois votre live. Bon. Donc, par hasard, vous savez que je crois pas au hasard. Ça fait partie, ça, de. On croit beaucoup aux addons. Puis, Libertassim, ton message. Ah, je ne sais pas de quoi vous parlez. À quoi vous faites référence. Mais bon, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y en a, ils m'avaient demandé il y a quelques mois s'il fallait investir dans la crypto-monnaie, puis j'avais dit c'est plus le temps. C'est plus le temps. Je ne sais pas si vous voyez là maintenant, mais ça commence là à tomber. Ça va remonter à un moment donné, possiblement, parce que c'est vers justement des valeurs virtuelles qu'on veut nous amener. Donc, possiblement que peut-être il va y avoir des nationalisations de crypto-monnaies. Puis, il y a, comment est-ce qu'il s'appelle, là, le monsieur, là, ben, le monsieur. Celui, là, l'espèce de magnat sorti de nulle part, là, l'espèce d'ingénieur. Non, comment est-ce qu'il s'appelle? Elon Musk. Elon Musk vient d'annoncer qu'il mettait en suspens le rachat de Twitter et l'action. Donc, aussi moi-même dans mon portefeuille, bon, je suis quand même à l'abri, j'ai fait des petits gestes pour être à l'abri, mais j'ai une chute de rendement extraordinaire en ce moment. Ça va pas bien. L'économie ne va pas bien et ça n'annonce rien de bon. Pendant que certains vont s'enrichir, notamment grâce à la guerre, ben les masses vont s'appauvrir et vraiment là, violemment. 1929, peut-être que ça va être un joyeux souvenir, dans le fond, pour les gens encore. Je parie plus sur une crypto que sur le troc ou la monnaie de DSG. Ouais. Ah, DS. Les DS, c'est drôle, c'est comme la contraction de diablesse. Sans faire de mauvaises blagues. Ben oui, mais bon. Oui, la crypto-monnaie, c'est pas. Moi, si j'en avais, je la garderais. Même si elle chute, je la garderais quand même. De la même façon que j'ai des parts dans des compagnies que même si ça tombe, je les garde. Vous savez, tant que vous ne vendez pas, il n'y a pas de perte. Donc, bonjour, Chanis Calista. Ah, un trèfle à quatre feuilles. Donc, oui, vous savez, là, dans ces choses-là, tant que vous ne vendez pas, il n'y a pas de perte au fond. Bon, puis ceux d'attendre. Des fois, mais à moins que ça fasse faillite entre-temps. Marie-Jeanne, chez vous, on a une personne. Il vit à Chicago et déjà beaucoup des infos il nous a données et ils l'ont mis en prison parce qu'il nous a dit des bonnes infos. Ah, ça se peut. Vendre mon chalet ou le louer, moi, votre place, je le garderai. Puis, d'habitude, jamais je vais donner des conseils, je sais pas en donner. surtout des choses comme ça, mais les gens qui ont des maisons, qui ont des... moi, je vous suggère de les garder. Ça dépend là aussi de votre contexte dans votre vie, là. Comme si vous avez plus de 70 ans, ben là, c'est pas pareil que si vous en avez 45. Qu'est-ce que c'est? De quoi parlez-vous? Puis c'est quoi ça, c'est avec un CCD? Qui est-ce ou qu'est-ce que c'est? Ben, je ne sais pas, je ne vois pas à quoi vous faites référence. Mais en tout cas, non, vous savez, si j'avais gardé, j'ai été propriétaire avant l'âge de 30 ans, puis si j'avais gardé ma maison, s'il n'y avait pas eu. Aujourd'hui, elle aurait une valeur assez importante. Pourquoi? Parce qu'il y avait un terrain avec, j'avais une terre à bois. Bon, c'était surtout de la cochonnerie, là, du tremble, puis du boulot. J'avais pas mal de boulot, mais bon. J'ai essayé à donner que dans le temps, j'ai eu une séparation, puis je pouvais pas continuer à payer pour ça tout seul. En France, on va se faire tondre jusqu'à là. Ils vont revoter Macron, quelle bonne idée. Oui, mais vous savez, la démocratie de notre époque, c'est pas de faire en sorte qu'une personne soit élue, mais de faire en sorte que les masses soient conditionnées à penser que cette personne a été élue. C'est un peu comme une maison de sondage, tout dépend de comment vous posez les questions. Donc, bon, ils vont réélire, oui, une certaine clique va toujours réélire. Oui, Todd, garde ton chalet, moi je le garderai. Parce que on s'en va vraiment vers, de toute façon, là, vous avez vu là, la hausse des prix des résidences, mais c'est une bulle quand même. Donc, même quand si ça atteint une certaine valeur, il faudrait résister pour pas vendre, parce que les bulles, vous savez ce que ça fait. La démocratie des veaux, oui. Il y a une affaire, dans le temps que j'étais bon pour faire, c'était, vous savez, là, ben, on pourrait appeler ça des cervelles de veau. Là, je parle les masses des fois, parce que oui, c'est leur démocratie, ils croient. Ce n'en est pas une démocratie, c'est un jeu de dupes. Mais bon. C'est difficile de nos jours de trouver de la cervelle de veau, mais je pense que les abats et abatis vont devenir de plus en plus populaires. Ça va revenir. Les gens n'auront plus les moyens de se payer des poulets. Ils vont devoir acheter des têtes et des pattes de poulet. C'est pas mauvais. C'est pas. Il a travaillé comme taxi. Il ne savait pas qui était dans le taxi, qui sont ces gens, mais c'est. Sont les personnes qui organisent ce qu'on va vivre. J'espère que vous comprenez qui c'est. Ça dépend, là. Ça dépend. Puis là, j'ai de la misère à comprendre. C'est parce que ça peut prêter à confusion. Bernard de Montréal a été chauffeur de taxi, ce qui est quand même assez surprenant là, pour quelqu'un qui avait fait des études universitaires. Mais bon, ouais. L'inversion des valeurs, ils font du bon boulot, il n'y a pas à dire ouais. Ben oui, mais vous savez, les valeurs, ça se fait, ça se défait, dépendamment des intérêts du moment. Puis c'est jamais la masse qui fait ça ou défait ça. Par contre, les mouvements, des fois, peuvent venir par en bas, mais ça va tout être récupéré, je sais pas. Todd, c'est moi ou Charest? Sans me tirer d'un film d'animation de Tim Burton, on dirait une tête surdimensionnée vissée sur une boule de pâte à modeler. Ben là, c'est normal en vieillissant, le cou, puis bon. Et on dirait qu'il est en train de fondre. Mais c'est pas grave, ça. Voyons, les Canadiens anglais, ils aiment ça, les Canadiens français, quand c'est. En tout cas, ils l'ont pas subi, eux autres. Fait qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais vous savez, moi, j'ai aucun espoir en ce genre de politique-là, en ce genre de. Prenez Poilievre, là. Salut, Berthold. Les rêves sont-ils vecteurs d'énergie supramentale? Ça dépend. Il y a différents types de rêves. Parfois, j'ai l'impression que des signes me sont envoyés pour me dire que j'intègre de l'énergie. Moi, mais cette fois, c'est les intelligences derrière la forme, ce qu'ils veulent dire. Comme ces temps-ci, je rêve. Ce qui veut dire même si je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'énergie tant que ça, Ça veut dire que j'ai de l'énergie psychique parce que je fais des rêves. Puis, chose étrange, dans mes rêves, je suis encore fumeur. Je fume dans mes rêves. Les Freudiens n'ont pas tort. Surtout, c'est vrai qu'il y a des désirs refoulés du jour qui vont s'exercer la nuit. Puis, l'envie de fumer, même si ça va faire près d'un an, je l'ai encore. Je l'ai encore. Je me demande si ça va me quitter un jour. Au cœur de l'homme, le BDM. Ah. Oui, mais Bernard de Montréal nous a bien avertis de ne pas nécessairement le croire. Ce n'est pas une question de le croire. Quand je vois quelque chose et qu'à mes yeux c'est réel, puis que j'ai le mouvement intérieur comme quoi c'est réel, puis que ça s'accorde à ce que Bernard dit, c'est comme ça que je fonctionne. Il y a des choses que Bernard a sorties que je crois pas du tout. Vraiment pas. Donc, pour les rêves, peut-être que la réciprocité fonctionne. Alors, ça dépend ce que vous voulez dire par là. Mais vous savez, là, l'être humain, bon, il vient d'en haut, si on peut dire, puis il est gouverné par en bas. C'est-à-dire qu'il y a des forces planétaires animales. Ça, c'est l'évidence même. On peut le voir. Pourquoi? Prenez, par exemple, la spiritualité. Dans les religions organisées, il y a toujours une espèce d'obsession de contrôler la sexualité des gens, entre autres. Mais ça, c'est parce qu'il y a des forces planétaires animales, qu'il y a eu une phase de psychologisation, de civilisation, qui a engendré, si on pourrait dire, de l'hypocrisie sociale, entre autres, mais qui est de régulation d'énergie, que si on les laisse à elles-mêmes, c'est dangereux. Donc, hypocrite ou pas, ils ont accompli un certain travail. Prenez dans les vieilles sociétés, le sorcier, c'est-à-dire le pas gentil, l'antisocial, va s'éloigner de sa tribu et acquérir souvent des pouvoirs en accomplissant des actes contre nature. Chez les Occidentaux, ça a pris la forme de ce qu'on a appelé la sorcellerie, ces choses-là, même s'il y a beaucoup de fantasmes là-dedans, mais vous voyez que c'est lié. C'est lié. Donc, bon. Pour la question de bunker, ah, moi je me rappelle pas de. Par exemple, tu crois pas, PDM, sur quelle notion? Ben, les delphinoïdes, ces choses-là, les yétis qui vont conduire les initiés dans les centres initiatiques de l'Himalaya, quoi d'autre aussi? Il y a pas quelque chose, vous savez. Quand j'ai entendu ça, là, je dis non. Non, non, les dauphins là, qui mènent des initiés. Wow, là, un instant. Mais il y avait, bon, entre autres. Entre autres. Il y a toutes sortes de. Bon. Les rêves où l'on te montre que tu fumes sont pour t'inciter à fumer le jour. Non. Ben non, pas nécessairement. Pourquoi toujours voir une volonté? Parce que premièrement, ça ne fonctionne pas. Jamais je vais refumer. Pourquoi? Parce que je suis bien trop séraphin. À cette heure que je fume plus, je ne veux pas recommencer, ça coûte trop cher. Voyons donc, je ne serais pas capable. Hey, j'aime bien plus l'argent que fumer. Désolé. Bonjour Bertol, qu'est-ce qu'il y a? Dit BDM dont vous ne croyez pas. Ben, c'est ça, les histoires de delphinoïdes puis de yétis là, qui mènent les initiés dans les centres initiatiques de l'Himalaya, je crois pas à ça. Bernard, il, à un moment donné, s'est exprimé à des époques où le Nouvel Âge était bien à la mode, où il y avait beaucoup de pollution autour de lui, si on peut dire, puis vibratoirement, ça peut influencer le discours, semble-t-il. Puis c'était à la mode, ces choses-là, comme l'agartha, puis si vous demandez à un Tibétain qui est un petit peu calé dans la spiritualité de son pays, l'agartha, puis ces choses-là, c'est réel, ça se peut qu'il rie. Comme de la même façon, si vous faites lire des livres de Rampa, là, à des vrais Tibétains, là, ils vont trouver ça bien comique. Bonjour, Mazou. Peut-être que ton double fume, non. Ben non. Le double, là, ça, c'est mal comprendre sa nature. Le double, c'est pas comme un équivalent, c'est pas un alter ego. Ne croit-on pas ce que l'on est prêt à croire? Ça dépend. Si vous avez beaucoup souffert dans votre vie, vous allez être moins enclin à croire. Ça peut être dangereux, vous allez devenir méfiant, parce que des fois, il faut croire. Des fois, il y a des gens à qui on peut faire confiance, des fois, si on est trop méfiant et qu'on s'en prive, ça peut être dangereux, on rate des occasions. Mais ça, c'est lié à de la programmation de chacun. C'est quand. Tu ressembles à une chandelle fondue avec les dents pourries. C'est quoi l'idée de focaliser sur le pouvoir extérieur et une quelconque idéologie? C'est une activité de compensation. Ben, tout est activité de compensation. Ça, au niveau social, là, la plupart des... Mais il reste que, je veux dire, avoir l'air d'une chandelle fondue, on va tout passer par là si on nous prête vie assez longtemps. Là, il y a des lois de gravité. Donc, non, Jean Charest, même quand il était jeune, il était Jean Charest. Puis, c'est une carrière comme une autre. C'est un peu comme John Gotti. Bon, il a fait sa carrière, il a fait son affaire. C'était Jean Charest, c'est un peu... Ça, moi, je vois beaucoup de parallèles à faire entre le crime organisé et la politique. Pour moi, c'est les mêmes genres d'énergie. C'est juste un petit peu plus sophistiqué. C'est un autre degré, là, la politique. Mais c'est du crime organisé. Faut pas se leurrer, là. Puis des fois, t'as un bon parrain. Des fois, t'as un pas bon parrain. Puis, bon, pense-tu qu'on verra la science de l'esprit se développer de notre vivant? Ben, on le voit. Moi, je l'ai vu. L'esprit, là, c'est pas collectif, c'est particulier, même ça va s'exprimer collectivement par accumulation expérimentale chez des particuliers. Mais je l'ai vu, c'est développé chez des gens de mon vivant. C'est de l'humour pour ton double qui filme. Ah bon, ouais, parce que le double, c'est une antithétisation de la lumière. Peut-être que si à un moment donné, vous pouvez... Y avoir une personnification du double luciférien. C'est-à-dire, vous allez rêver à un vous qui possiblement va avoir des défauts que vous, vous n'avez pas. C'est un potentiel non réalisé, mais dans le négatif. Bonjour, bonjour. Ah, Novak. Bon, j'avoue que je me suis mal préparé là encore. Là. Je vais tenter une manœuvre là. Désolé, là. Je suis aussi bien de m'élever, ça serait moins. En tout cas. Est-ce qu'il y a beaucoup des choses que Daniel Kipp a dit et vous n'êtes pas d'accord? Oui, du peu que j'ai écouté, quand il est dans le bois avec sa gang puis il appelle Satan. Puis après, il s'en va dire en conférence: faites jamais ça. C'est mal comprendre la psychologie humaine. Puis même les phénomènes en cause. Ah, j'ai réussi. Donc. Daniel Kahn dit que le Québec sera la capitale de cette nouvelle science. Ouais. Ça, je suis pas dans la croyance à ça. Mais je l'envisage comme une possibilité. Même très probable. Pourquoi? À cause de la psychologie particulière des Canadiens français qui sont un peu des petites pucelles au niveau de certaines choses. C'est un peuple un petit peu niochon dans le sens de pur, dans le sens de bon. Pour les politicos, je vois aussi des idéologies astralisées qui doivent bien faire rire les gros pourris. J'aime autant un gros pourri. Moins, mais bon. Il y en a qui m'en rachent tellement que j'aime mieux pas en parler. Je parle des politiciens, là. Il y en a, ils sont d'une hypocrisie. Ils sont d'une connerie. C'est bon. Faites un live avec David et Mona, les trois ensemble. Ouais, mais pour ça, il faut que tout le monde soit disponible en même temps. Puis, oui, ce serait bien. Mais il faudrait se concerter. Donc, c'est drôle ça. J'ai mal à l'estomac, puis j'ai pas déjeuné. Encore, j'ai mal toute la nuit. C'est vraiment pas drôle. Si ça continue, je vais finir par... Bon, je vais aller voir que je vais me faire passer une caméra. Là. Je vais aller voir c'est quoi là. J'ai une question. As-tu eu connaissance du message de Sri Nisargadatta Maharaj? Ah, si oui, pourrais-tu me dire de ton point de vue quel est le pourcentage astral cosmique sur la vibration? Je ne sais pas si c'est qui, je ne sais pas à qui vous faites référence. Vous savez, je fais une différence entre la phase Sri Aurobindo, la mère suprême, puis tous ces gens-là, puis Bernard après. Parce que Bernard, il a amené de quoi? C'est vraiment pour la programmation du Québec, le mandat plus, je dirais. Donc, les l'aspect comme madame de surgerie, puis les sciences cosmiques, puis tout ça. C'est, j'ai pas prêté grande attention à ça. Je vais être franc avec vous, j'ai dédain. Ça m'intéresse pas. J'aime pas la vibration. Vous savez, là, les sciences cosmiques, là, avec l'espèce de métronome qui fait l'acheter. J'ai des témoignages de gens qui ont été là-dedans. Puis sans penser vraiment, sans voir en dire du mal, moi, ça m'intéresse pas. Puis cette mouvance-là, c'est de la spiritualité. Puis, bon. C'est pas, il y en a qui en ont besoin de la spiritualité, comme j'expliquais au début, c'est lié à réguler des forces planétaires, notamment les instincts animaux de l'être humain, l'endoctrino, psychologie, si on peut dire. Puis bon, c'est correct qu'il y ait de la spiritualité. Oui, pour certains stades, pour certains, mais ça, je le vois vraiment comme bon. Mais je sais pas du tout c'est qui. Srinivasagarta. Maharaj, qui est clairement un Indien, là. Bonjour Franck. Ça parle de jeu simplement dénué de concept sans spiritualité. Ah oui? Ah, ben, comme je vous dis, je ne suis pas au courant. Ça parle du jeu. Vous savez, le problème avec l'être humain actuel, subjectif, c'est quand il dit je, c'est l'expression de son ego et d'une fausse personnalité subjective. Techniquement, l'homme nouveau va dire je. Il va l'assumer, ce je-là, mais ça n'aura pas la même vibration. Ça va être un je qui n'est pas le je de maintenant, qui n'est pas le je habituel. Donc, bon. La spiritualité, c'est la politique cosmique. Ouais, puis c'est dégueulasse. Désolé, là. J'ai assez vu de monde. Ceux qui sont dans le spiritisme, ces choses-là, qui ont gâché leur vie. Il y en a, là, c'est la table de Ouija qui leur dit quand vendre, quand acheter. Ils ne comprennent pas que ces forces-là veulent engendrer de l'expérimental. Que c'est fort, en tout cas. Peux-tu parler sur la différence ou les liens entre le double lumineux et le double Arimanien? Ouais, mais moi, je ne fais pas de la théosophie, pas de l'anthroposophie, là, je ne suis pas dans cette mouvance-là. Pour moi, là, le double Arimanien. Parler du double luciférien, peut-être. C'est pas compliqué. Vous avez des potentiels, c'est-à-dire de l'énergie qui ne s'est pas exprimée. Puis, il y a possibilité d'anthropomorphiser ces forces-là. Donc, on pourrait dire le double, comme Bernard le parlait, c'est une antithésation de la lumière puis de l'intelligence. L'ego peut pas, d'un coup, sans. Il peut pas. Sans intermédiaire, avoir un contact avec sa propre intelligence cosmique, c'est parce que ça annihilerait son ego, ça, et puis il y a un job à faire, l'ego. Donc, c'est pareil, le double luciférien, c'est la même chose, mais certains aspects qui ont été refoulés. Vous savez, un peu comme Jung parle de l'ombre, ben, si jamais vous l'anthropomorphisez, cette ombre-là, ça devient le double. Puis il y en a qui peuvent finir par être possédés par leur double luciférien. Puis dans ce temps-là, ben ça fait des gens qui vont commettre des actes horribles, mais sciemment et consciemment. Ben, consciemment entre guillemets, là, entre parenthèses. Mais c'est pas comme quelqu'un qui est possédé puis qui se rend plus compte de ce qu'il fait ou un schizophrène en psychose. C'est différent, les possédés par. C'est des phénomènes sur lesquels on donne des noms. Mais c'est même pas à spéculer sur l'existence ou non de ces choses-là. Là. Moi, à mes yeux, c'est réel. C'est des phénomènes réels. Puis ça, je le dis par expérience. L'affaire, c'est que on met des mots, puis les mots, ben, c'est des formes. Puis la forme, c'est subjectif. C'est ce qui est au-delà de la forme. Ça devient délicat. Je parle du jeu. OK. Oui. La spiritualité, c'est oui. Peux-tu pas, oui. Vous parlez d'Aurobindo et mère. Qu'en pensez-vous? Pas grand-chose. Je pense, pour moi, Aurobindo, c'est un annonciateur, puis ils ont été utilisés, si on peut dire, par des forces. Aurobindo, pourquoi qu'il parlait entre autres d'évolution? Ben, il a fait ses études à Londres, puis il a vu Darwin, il a lu Darwin, puis il a pensé que, comme tout est en tout, qu'il y avait un aspect spirituel à ça. Aussi, il a dû vivre des phénomènes. Mère, bon, vous savez, on pourrait en parler longtemps, je trouve pas très intéressant, mais les gens qui s'intéressent, gênez-vous pas. Le jeu est plus point à être. Je vois pas. Non, c'est cool, merci. Ah bon, correct. À quand les gens conscients qui souffrent de ce temps transitif seront apaisés par une forme d'épuration qui entraînera irrémédiablement une intelligence collective pour une société moins manipulée? Vous attendez après de l'intelligence collective? Moi, je me fie pas à ça. Je compte pas là-dessus. Puis, apaisé par une forme d'épuration. Je vois pas ça comme ça. À quand les gens conscients qui souffrent de ce temps transitif, l'affaire, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre quelque chose qui va apaiser par une forme d'épuration qui entraîne une intelligence collective pour arrêter de souffrir de la transition. C'est par de l'intégration puis du fait de vous rendre compte que ça vous dessert puis que c'est pas nécessaire. Souvent, on souffre parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est comme une loupe puis qu'on amplifie. Mais c'est comme je l'ai lu Patrick Lagacé ce matin, puis il dit, le monde n'est pas bien. Il doit penser que ses lecteurs sont des édentés. Il n'a pas mis le N apostrophe. Elle n'est pas bien. Le monde n'est pas bien. Bon. Ouais. Moi, ça va bien. Désolé. Est-il possible de détecter les personnalités avec propension à la pourriture dès l'enfance, de par leur caractère ou leur contexte. Je parle plus particulièrement du type le gaucherais. Moi, je considère que non. Puis les enfants, c'est pas une pourriture en latence, là. C'est lié à de la programmation qui est trouble le deux. C'est le contexte qui va faire le politicien. C'est les sociétés qui font les politiciens. On a les politiciens qu'on mérite, collectivement. Le problème, c'est que c'est l'individu qui en souffre. Mais pour le reste, pour les douleurs d'estomac, mange plus de cru. Non, j'ai de la difficulté à gérer ce qui est cru. J'ai déjà été clair là-dessus. Commencez pas à me conseiller sur mon estomac. Vous allez voir que je suis de mauvaise humeur. Évitez les tomates cuites. Ben, je suis au courant de tout ça. Vous prenez pour qui? Vous pensez que je me suis pas. Ça fait depuis que j'ai 8 ans que j'ai des douleurs à l'estomac. Vous pensez quand j'ai pas. Je bois de l'eau puis j'ai mal à l'estomac après. Alors chez moi, je passe mon temps à prendre des choses en tout cas. Non, non, je vais m'arranger avec ça, là. Puis vous, arrangez-vous avec vos affaires. Le concept, je m'excuse, là, mais c'est parce que ça me met tellement en crise. Parce que tout le monde veut me conseiller sur mon estomac. Ça marche pas, calisse. Puis tout ce que vous pouvez me conseiller, j'ai déjà fait. C'est-tu clair? J'ai de quoi à l'estomac? J'ai possiblement. Des ulcères depuis longtemps, puis. En tout cas, de toute façon, il y a une raison pourquoi j'ai ça, là. J'ai pas. Vous me déconcentrez avec ça, là. Vous me mettez en crise de colère, pas à peu près, là. Ça me met vraiment en colère, parce que je l'ai déjà dit pour ça. Non, par rapport à ça, même. Le fait que j'ai des douleurs constantes à l'estomac, c'est pas tout le temps des brûlements. Des fois, tellement je me demande, j'ai pas de quoi au cœur. Le concept est apprendre pour désapprendre et s'éduquer avec l'énergie et avance vers l'effacement de l'ego. J'espère avoir pu compléter. Comment ça, l'effacement de l'ego? Je peux comprendre qu'on veut dépolluer l'ego, qu'on veut le rendre moins subjectif, mais si vous effacez l'ego, savez-vous ce qui va arriver? On va falloir vous mettre une couche, puis quelqu'un que l'ego est effacé, dans le sens, comme vous le dites, l'effacement de l'ego, ça en est ça, ça ressemble beaucoup à de la spiritualité, l'oubli de soi, puis l'autre extrême, il y a la connaissance de soi, puis le développement personnel, c'est tout aussi subjectif à mes yeux. Mais l'effacement de l'ego, je peux qu'on. L'ego, faut qu'il devienne transparent, OK? Mais c'est la pollution dans l'ego qui le rend opaque qu'il faut effacer, pas l'ego. C'est quoi ça, cette haine de l'ego? Ça vient de la spiritualité, ça. C'est la négation de la possibilité, au fond, de quelque part, de l'intelligence individuelle. J'ai bien de la misère avec ça. L'affaire, l'effacement de l'ego, toutes les spiritualiseux qui ont les yeux dans la graisse de bine, là, ils parlent rien de ça. Ben oui, mais si on enlève l'ego, là, ça prend une lentille. Je veux dire, si on enlève l'ego, savez-vous ce que ça donne? Ça donne un légume dans une chaise roulante qui chie dans sa couche. C'est ça que ça donne. C'est ça, quelqu'un qui a l'ego effacé. Ça en prend un ego. J'ai bien de la misère avec ça, l'affaire d'effacement de l'ego. J'aime pas ça. Pourquoi? Parce que je le sais que c'est une crosse. Comme le cosmique. Comment il disait Bernard, le cosmique? L'effacement de l'ego. Moi, je suis contre l'effacement de l'ego. Je suis pour la densification cristalline de l'ego. Donc, il y a un petit décalage. C'est parce que je n'ai pas le temps de tout lire assez rapidement, possiblement. Pensée indésirable et intrusive. Ouais. Ben, si on s'identifie aux pensées, les élus qui amplifient une fausse personnalité. Puis... Il n'y a pas de conscience collective, c'est individuel. Oui, exactement. Pour ça prend un ego. S'il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de conscience. Désolé, je m'excuse, même si ce n'est pas de ma faute. Bon week-end du sud de la France. Ah, ben, bon week-end à vous aussi. Il doit faire chaud. Ici, j'ai dû mettre l'air climatisé parce que je trouvais qu'il faisait trop chaud. Mais je suis confortable autour de 15 degrés. 14, 15, 16 degrés. Donc, je la mets de bonne heure, l'air climatisé. C'est étrange, ça. En France, il y a peu de gens qui ont des l'air conditionné. J'ai jamais compris ça. Surtout que les canicules sont pires en France. C'est pareil pour moi. Dès le réveil, je bois de l'eau. Je vomis. Impossible d'avoir des contacts avec qui que ce soit. Ah. Bon. Je ne vais pas jusqu'à vomir, là, mais j'ai tout le temps l'estomac. Juste changer de position, là, de me lever. L'estomac est obligé de se. Puis comme il doit être extrêmement dans piteux état, ben, la gravité engendre des douleurs. J'ai toujours pensé que BDM a fait du taxi pour avoir le moins de contact à long terme avec les mêmes personnes. C'est possible. Oui, pourquoi pas. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'était lié aussi à se faire. Bon. Hey, Denis, j'ai pas eu le temps de vous lire. Bonjour, Isabelle. Todd, je viens de terminer un documentaire sur une dame qui a tombé pour le narratif d'un sociopathe bad vegan. Elle dit qu'elle savait que ça n'avait pas d'allure, mais plus facile à continuer à casser ça. C'est parce que c'est le confort. L'être humain, il est paradoxal. Les gens vont préférer être confortable dans la merde que dans l'effort de marcher par eux-mêmes. J'ai vu ça souvent. C'est comme il y a beaucoup de gens qui vont avoir des croyances irrationnelles, vous leur démontrez que ça ne se tient pas. Sur le coup, ils vont le voir, ils vont acquiescer, puis tout, mais avec le temps, ils vont retomber dedans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lié à la rationalité, ça. C'est des énergies qui sont gérées inconsciemment, en grande partie. Puis ce que l'être humain ne veut pas voir, il va mettre des formes dessus. D'autres formes, disons. Puis c'est très difficile. C'est des mécaniques. Prenez là, les gens qui tombent dans le temps qui tombait dans les Jesus Freaks, puis les. C'est quoi l'autre gang, là? Les dévots de Krishna, puis. Il y a le cerveau matériel, c'est pas le cerveau éthérique, il est fait, lui, pour les programmes. Donc, ça vient. C'est pour ça que quand vous voulez sortir quelqu'un d'une secte, il faut le déprogrammer. C'est une programmation. C'est tout le temps de la programmation, c'est tout des programmes. Le système nerveux, c'est comme un ordinateur, un peu. C'est des programmes, comme une puce électronique, un petit peu. Pour ça, on va parler de neuropiratage maintenant, quand vient le temps de. Créer le consentement, entre autres. L'affaire, c'est tout le temps ramener l'individu à lui. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Ah, oh, ben là, il est enseigné, il dit telle affaire. Non, toi, tu penses quoi? Puis comme ça, on peut venir à bout de faire se rendre compte aux gens qu'ils n'ont pas de pensée à eux. Ça, c'est à force d'expérience puis de déception qu'on le voit. C'est à force de souffrance puis de confrontation au réel. Parce que les croyances subjectives, spirituelles, ça passe pas le test du réel sur le long terme, souvent. Le monde, ils vont prier la Vierge Marie, puis de oh, je veux que ça aille bien dans ma famille. Hein. Finalement, le petit-fils meurt d'une overdose, le fils fait faillite, on se ramasse au CHSLD, puis là, c'est le temps de se rendre compte. En tout cas. Parallèle à faire avec les Québécois. Ah, ça dépend, quoi. Ouais. OK, là, je vois. Ceux qui n'ont pas l'air climatisé, par contre, ils ont l'air bêtes. Ben, ils ont chaud. Ben oui, ah, ben, c'est parce qu'il faut pas polluer. Hey, voyons, là. En tout cas, ici, les nuits hyper difficiles, en plus des douleurs, l'impression de se faire travailler, ajuster, je ne sais pas quoi, épuisant. Oui, ben vous savez, moi je vivrais probablement pas. Je me rendrais pas vieux, vieux, vieux, là. Dans ma famille, les hommes meurent jeunes des deux côtés. Donc, possiblement que. Todd, j'ai pas eu le temps encore de lire. Possiblement qu'à un moment donné, il y a une patente qui est. Vous prenez. Tu sais, à un moment donné. Je suis pas stupide, là. Il y a des choses que je sais sur ma propre programmation. C'est pas grave. Si jamais je me rends, je dépasse 70 ans, je vais être le premier surpris et agréablement surpris, ou peut-être pas. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, moi, je vivrai pas. Je suis pas. J'ai pas l'intention d'être dans le plan matériel là, pendant. Je suis pas quelqu'un qui aime pas la vie ou qui est suicidaire, ça n'a rien à voir. Mais il y a des choses que je sais un petit peu sur ma programmation. Puis c'est des fois, oui, il y a des choses que j'ai à intégrer. Donc, bon, c'est pas moi qui décide. Ça fait que. Qu'est-ce que vous voulez? Comment atteindre notre réelle authenticité? Ben, c'est à force d'écœurement, de souffrance, de déception. Le jour là, où ça. Vous allez répondre franchement, là, puis que ça ne vous fera plus rien, puis ça va se faire automatique. Parce que vous allez être dans une situation, vous pouvez vous le permettre, parce qu'il faut rester ajusté, là, surtout par rapport à soi-même. Il ne faut pas non plus faire le vide autour de soi puis se ramasser dans la merde. Mais comment atteindre notre réelle authenticité? Moi, je dirais que c'est par ça, c'est-à-dire vous allez brûler de l'âme. Vous allez brûler de l'âme. Vous allez brûler de la subjectivité. Ce qui a pacifié l'ego, puis c'est comme il y a un bout de temps, quand j'allais mener un CV, j'étais gêné. J'étais gêné de dire, ben, j'ai même pas fait le cégep. Ça me gênait. Aujourd'hui, je m'en fous. Je le dis, c'est la première affaire que je dis. Les gens, ah, vous êtes très cultivés, puis je dis, voyons, j'ai même pas de secondaire 5. J'ai même pas de secondaire 5. Je suis un imbécile, je suis pas très intelligent, là. Je connais même pas, j'ai de la misère à calculer sans calculatrice. J'ai pas un QI très élevé, là. Très moyen, mon affaire. Mais l'intelligence et la conscience, pas la même chose. Puis moi, mes yeux, c'est pas à ça que j'évalue la valeur des gens. Donc, je m'applique le même traitement. Donc, j'ai pas le choix d'être authentique parce que jusqu'à un certain point, à un moment donné, je m'en fous. Je veux dire, c'est quoi quelqu'un de brillant comme Denise Bombardier? C'est ça quelqu'un de brillant. Moi, oui, elle a un haut QI puis tout, mais c'est une astie de folle. Désolé, je m'excuse de dire ça de même, mais Chris est folle. C'est ça de l'intelligence. À un moment donné, quand ça vous fait plus. Quand vous êtes plus gêné. Vous êtes autant. La gêne, là, c'est des gens très, très timides, des gens très intelligents. Souvent, ils réfléchissent trop, ils pensent trop, ils donnent trop d'importance à ce que les autres vont penser d'eux. Le jour où vous aurez plus d'importance subjective accordée à des fausses pensées subjectives à propos d'un faux vous-même qui n'est pas réel, vous allez être plus authentique avec les autres. Tu n'as pas le choix. Quand j'étais enfant, on me disait que j'avais un potentiel au-dessus de la moyenne. Puis par après, quand j'ai été évalué, on m'a dit que j'avais une intelligence supérieure. Mais dans les faits, c'est pas ça que je constate. Je suis vraiment un cave. Il a fallu que je l'accepte ça. Il a fallu que je me rende compte que je n'étais pas intelligent. pour quelque part un petit peu commencer à entrer dans mon intelligence, être un peu moins niaiseux, un peu moins stupide, un peu moins naïf. Je vous dis, j'ai été propriétaire avant l'âge de 30 ans, mais je me suis fait fourrer de plomb parce que je n'étais pas intelligent. J'étais naïf dans le sens que je n'ai pas vu, je n'ai pas senti. Pourtant, intérieurement, je savais, mais je ne voulais pas croire ce que je savais. Je voulais croire ce que je croyais. Je voulais savoir ce que je croyais plutôt que de croire ce que je savais. Ça donne quoi d'être... Il y en a, vous savez, ils sont très, très brillants, très, très intelligents. Puis, ils foutent la merde. C'est ça qu'ils font. Puis, ils sont à des hauts postes, puis ils détruisent des vies. Bon, on va être de plus en plus atteindre notre réel authenticité en devenant réel. Dans le sens que c'est pas important. C'est pas important. C'est important au niveau technique. C'est important techniquement. Si vous allez pour un emprunt à la banque, l'institution pense de vous est important techniquement. Mais c'est tout. Ça n'a aucune valeur. L'être humain accorde de la valeur aux choses, mais c'est toujours subjectif. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est rendu avec une monnaie qui ne vaut rien, sauf par rapport au consensus collectif. C'est parce que l'être humain lui-même, il n'a pas le sens de la réalité. C'est triste, mais... Pouvez-vous élaborer sur la gardienne? Quel serait le rapport avec la gardienne du seuil? C'est pas pareil. Quand je parlais de la gardienne, je parle de des forces qui sont là pour... On va appeler ça des forces planétaires retardataires. Puis ça se constate, hein, il y a des... Dès qu'une société atteint un certain niveau de développement, il va y avoir des processus qui vont faire qu'elle va se dégénérer. C'est ce qu'on appelle les décadences. Comme là, on est en décadence de l'Occident, pas mal. Ça fait un bout de temps que c'est commencé. Comme il y a eu de la décadence, je veux dire, même avant qu'il y ait la Révolution en France, il y avait le début de la fin. Prenez là Philippe d'Orléans, puis le curé du bois, puis ces gens-là, c'est de la décadence. C'est les symptômes d'une société qui a atteint un haut niveau de raffinement, qu'on pourrait appeler un certain apogée. Ensuite, ça commence. Là, on voit les symptômes qui s'installent, puis c'est sur des siècles. Une société, ça a un début, un développement, puis une fin. Puis c'est pareil pour la planète, puis les civilisations. Puis la gardienne, on dit, c'est des forces régulatrices retardataires qui régissent ça en dehors de la conscience collective des masses, puis même des individus. Si vous voulez, c'est ça qu'on a appelé, pourquoi on disait le prince de la Terre? La gardienne, c'est un peu le prince de la Terre, ce que d'autres appellent les forces sataniques, les forces lucifériennes. Les forces sataniques, c'est des forces planétaires naturelles, entre autres. Une fois que c'est personnifié, psychologisé, ça devient autre chose. Les forces luciférennes, ça vient un petit peu plus haut, c'est extraterrestre, un peu, si on peut dire. Ça vient, c'est pas planétaire de la même façon, mais quand ça tombe, ça devient du planétaire, je voyais. Satan a chuté comme l'éclair. C'est ça qui est écrit. Toutes ces vieilles intuitions-là, toutes ces vieilles choses-là, il y a, derrière les formes subjectives, il y a des réalités. Mais les réalités, ça n'existe pas parce que c'est de la séparation. C'est quand on le divise pour mieux voir, ça devient une réalité. Il y a juste le réel. Les lois d'infinité. Mais la gardienne, c'est des forces retardataires, c'est des forces régulatrices inconscientes. C'est pas conscient, ces affaires-là. C'est pour ça que les sociétés meurent dans le fracas, d'une façon désordonnée. Une société, c'est pas comme un humain qui prépare sa succession, puis il va toujours avoir un Philippe d'Orléans pour casser le testament. Désolé. C'est pas une question de vivre vieux. Pour le fun, c'est exact. Juste d'être dans un corps physique assez longtemps pour pouvoir éventuellement fusionner les corps exacts. Moi, je le vois comme ça. Pas besoin de vivre. L'affaire, là, c'est que l'être humain, il est dans l'espace-temps. Donc, il spatialise puis il temporalise les choses. Mais ça peut aller vite. Mais c'est pas, en autant que l'ego comprend que c'est pas lui qui décide, là. Il faut aussi évacuer la comparaison avec les autres. Moi, ben, c'est parce que l'être humain, il est entre guillemets rationnel, c'est-à-dire au sens de ratio, il mesure puis il veut se mesurer aux autres. Puis c'est comme ça, il va s'accorder une valeur à partir de la subjectivité extérieure, ce qui n'est pas intelligent. On nous a fait à croire que l'objectivité venait de l'extérieur, la subjectivité venait de l'intérieur. C'est le contraire. C'est le contraire. Il y a des gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes parce qu'ils ont les standards collectifs pour évaluer leur individualité. Ça n'a aucun sens. C'est totalement stupide, ça. Totalement illogique. Quelqu'un de conscient, il va avoir les standards de sa conscience, puis après, il va appliquer son discernement vers l'extérieur. Sinon, là, on est dans la merde, là. Puis ça, c'est pour ça qu'il y a des pleins d'antidépresseurs, de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes. Parce que l'être humain, il se sent pas valorisé, il se sent pas qu'il y a de valeur, il se sent pas aimé, il est encore pris avec des conflits liés à ses peurs instinctuelles de survie, de bébé qui était vulnérable, qui pleurait, puis des fois, il n'y avait pas tout de suite une main pour le rassurer. Bien, ça reste, c'est imprimé dans l'âme. L'être humain est un être profondément existentiel. Donc, il a besoin de se sentir exister, il a besoin d'être, de se sentir être, ce qui n'a pas de sens. Prenez une roche, elle existe, elle n'a pas besoin de se sentir être pour être plus roche qu'elle l'est. En tout cas, Denis Richard, oui, mais il faut en avoir conscience et faire le choix de s'identifier à ça. Quand on s'identifie, c'est tout le temps inconsciemment. Ça veut dire que l'identité n'est pas réelle. Une identité réelle, ça ne s'identifie pas. C'est pour ça que c'est facile pour moi, des fois, d'allumer la caméra, puis de parler au monde, puis je dis des conneries à travers, j'en ai dit des niaiseries, puis bababab, puis je parle, puis bababab, parce que imaginez si je m'étais à accorder de la valeur à ce qu'on pense de moi. Je pourrais pas parler, je ne suis pas capable. Puis je parle autant dans le négatif que dans le positif. C'est justement parce que je considère que ce que je dis a une fonction, puis c'est comme un exercice que j'arrive à le faire, pas parce que j'accorde une valeur. Ça ne peut pas avoir de valeur, ni pour moi, ni pour les autres. Ça n'a pas le choix d'être subjectif si on donne une valeur. Il y a des choses, dès qu'on les mesure, on sort de l'incommensurable, donc on sort de du réel pour entrer dans du subjectif intellectuel, psychologique. Un intellect surdéveloppé s'auto-convainc en circuit fermé. Bon, qu'est-ce qu'elle a? Bon, j'ai pas assez d'espace. Hey, ça fait 2 ans qu'ils me disent ça. Un intellect surdéveloppé s'auto-convainc en circuit fermé. Encore pire s'il y a de la mauvaise foi. J'imagine bien l'agacé vomir son fiel en robe de chambre, gonflé d'orgueil et fier de ses flèches. Moi, ouais, ben c'est sûr, ça les valorise. Il y a du monde qui aime ça. Je pense à mon père, à un moment donné, je lui avais dit, j'ai dit, on dirait que t'aimes ça de faire haïr. Puis il disait, oui, j'aime ça, je suis fier d'être haï de même. J'ai dit, OK. Mais ça, c'était son affaire à lui. Mais quelqu'un comme ça, tu sais, l'agacé, je le vois un peu de même. Lui, dans sa tête, plus il est haï, plus il a raison. C'est correct. On verra bien plus tard ce qui se passe. On verra bien plus tard ce qui se passe, comme il est allé chialer. C'est-tu lui, ça, qui est allé chialer Jack Mitzing, qui avait été accueilli par une gang d'enragés, là, puis... Ben oui, mais Jack Mitzing, c'est un traître. Ça s'est jamais vu à hein, une opposition qui appuie un gouvernement minoritaire au point de l'aider à faire son mandat jusqu'à la fin. Ça n'a jamais été vu. C'est un homme de Pâques. C'est normal que le monde l'haïsse, c'est normal que le monde l'envoie chier, c'est normal. Là, le monde, ils font des. Tiens, puis là, faut-tu être un esti d'hypocrite? Faut-tu être cave? Voyons, regarde à terre, sois gêné, puis décalisse. Voyons, à un moment donné, il faut être ajusté à ce qui se passe. En tout cas, mais les gens, c'est pas assez normal qu'ils l'aiment pas. Il y a des gens qui s'en rendent compte. Que fait un antidépresseur au niveau occulte? La plupart du temps, un antidépresseur au niveau occulte, il va couper au niveau synaptique, puis même au niveau de l'endocrinologie, entre autres, au niveau chimique. Il va couper le contact avec certains. Le dépressif, il est en relation avec des plans occultes, puis il ne sait pas. Fait que, étant donné que notre médecine, c'est une médecine. De Niochon. Tout ce qu'on sait faire, c'est couper le contact avec, puis jouer dans les aspects mécanico-chimiques. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, au fond, l'antidépresseur, il désensibilise. C'est ça qu'il fait. Ils désensibilisent. Après ça, ils se demandent comment ça se fait qu'il y a du monde qui sont suicidaires, des fous, là, des capotes, entre guillemets. Ils sont suicidaires, là, en fait, là, on les met sur des antidépresseurs, puis ils deviennent quoi? Ils deviennent des tueurs de masse. Bien, c'est ça, tu les as désensibilisés. Au lieu de retourner ça contre eux, ça va aller vers l'extérieur. Parce que c'est juste, c'est comme un pansement sur une jambe de bois. Il reste, oui, ça a un effet, ça, en apparence, en surface. Mais ce qui a été intégré là-dedans est complètement bloqué. Vous voulez sortir de votre dépression, aller jusqu'au bout. À un moment donné, ça va casser. Ça va casser. J'ai été diagnostiqué comme en dépression majeure pendant proche 20, plus de 20 ans, là, de l'enfance jusqu'à. Puis à un moment donné, les médicaments, premièrement, ça nuisait à mon estomac, mais en plus, je ne croyais pas. Puis je n'aimais pas l'effet que ça faisait. Donc, je ne prenais jamais plus qu'une semaine. Bien rare. Puis moi, il n'y a jamais un médecin qui a pu. C'est moi qui décide. Puis finalement, à un moment donné, j'ai dit, ben, je vais vivre ça jusqu'au bout. Puis j'ai fini par. Aujourd'hui, je suis jamais déprimé. Même quand ça va mal, là. Parce que je sais, j'ai vu de la mécanique derrière ça. Puis bon, à un moment donné, si prenez des antidépresseurs, vous ne développerez jamais la capacité d'aller au-delà de l'état où vous êtes. Je ne dis pas que ce n'est pas mauvais dans certains cas, que c'est pas. Je ne dis pas que ce n'est pas ajusté dans certains cas d'en donner. Mais rendre le monde dépendant à ça, puis les rendre. Non, non, vous les coupez d'une partie d'eux-mêmes. Il y a un apprentissage de la sensibilité là-dedans. On va pas commencer à couper le monde de leur. Comment ça se fait que dans les années 20-30, il n'y avait pas grand monde de dépressifs, il n'y en avait pas autant de suicides que maintenant, pourtant ça n'allait pas aussi bien. Entre guillemets, ça n'allait pas aussi bien. Faudrait peut-être chercher les causes de ça ailleurs. Quelqu'un qui a de la peine des fois, puis qui est malheureux, peut-être que c'est normal qu'il le soit si on regarde son contexte particulier, peut-être qu'il a besoin d'être vu par le professionnel qui dit, t'as raison d'avoir de la peine, c'est normal, vu ce que tu as vécu. Là, la personne va pouvoir entamer un processus de digestion de son expérience. Elle va intégrer. Ben non, ils donnent des pilules des fois pendant. Bon, qui mange de la marde, c'est tout. De toute façon, ces médecins-là, souvent, bon, ça pour. En tout cas, c'est dommage que là, on puisse s'entendre car vous arrivez à être très pertinent. Votre extériorisation est souvent fluide et bien vue. Assimilable pour les récepteurs, alors que je suis. Le sujet est invisible. Je suis BDM. Vous êtes BDM. Oh, c'est la madame qui se pense. Ouais. Mais regardez, madame, là, admettons que je m'entretenais juste avec vous, là, puis que je vous posais certaines questions, puis je vous demanderais en tant que BDM de me répondre, on constaterait tout le monde que vous n'êtes pas BDM. Puis le plus important, ce serait pour vous de vous en rendre compte. BDM, là, il n'est plus ici, là. Vous pouvez être en syntonie avec une mémoire enregistrée, puis ça peut être fort au niveau psycho-affectif, ça ne fait pas de vous BDM. Prenez le temps. Je suis BDM. Là, il y a un trouble, un problème. Vous êtes obligé de l'affirmer. Ça est devenu votre fausse identité. Je suis BDM. Je n'ai pas besoin de m'entendre avec vous. J'en ai pas. C'est pas. C'est à vous, là, de vivre tout de suite, d'aller jusqu'au bout, puis vous allez vous rendre compte. Mais ça, c'est votre job à vous tout de suite. On n'est pas machalé avec ça. Là. Moi, je n'ai pas rapport là-dedans. Plus sensible à un type de Pavlov. Plus sensible à un type de Pavlovien du conditionnement. Moins. Ben, les behavioristes, ils n'ont pas tort surtout, hein. Faut pas oublier que c'est au niveau des données qui ont la science du comportement s'est construite. Puis ceux qui ont étudié ça dans le marketing, ils voient bien que beaucoup de gens veulent changer le monde. Je repense à madame, là, je suis BDM, là. Bernard, il aurait voulu que vous soyez vous-même, que vous soyez capable d'assumer votre identité à vous. Pas que vous preniez. Puis il l'a dit avant de mourir, si vous pensez en contact avec moi, là, c'est l'astral. Fait que c'est contradictoire. Là. Ça me choque un peu de voir ça. Je trouve ça triste pour vous. Il y a quelque chose, là. Il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Tu sais, tant qu'à faire, je pourrais être moi, tout être d'autres mondes avec qui je suis capable d'entrer en syntonie. Puis dire je suis un tel, je suis un tel. Mais puis ça deviendrait le sens de ma vie, ma fausse identité, ça deviendrait mon identité, ça deviendrait le moteur, ça devient ce qui donne un sens. Mais oui, mais les choses n'ont pas besoin d'avoir de sens. On est là pour intégrer la nature. C'est ça le réel. On n'est pas pour donner un sens tout le temps. Là, on tombe dans le ratio, on tombe dans la mesure, on tombe dans la subjectivité. C'est dangereux. Avant de changer le monde, changeons nos mondes respectifs intérieurs. C'est fractal. Ben oui. Mais ça veut dire que vous allez tout. Il va tout le temps y en avoir qui sont dans le contraire. Puis vu que c'est fractal, ben. Avez-vous remarqué que plusieurs inoculés semblent désensibiliser ou c'est juste l'effet de l'hypnose collective? Ben, c'est un peu comme la poule puis l'œuf, ça. Peut-être qu'ils sont inoculés parce qu'ils étaient déjà un petit peu. Puis là, au niveau d'une survie psychologique, ils n'ont pas le choix de. Ils rentrent de plus en plus dans le scénario. C'est un peu, on parlait des sectes plus tôt, là. C'est de la programmation pour de la survie psycho-affective, de l'inconfort, les gens n'aiment pas ça. J'ai vu une infirmière il n'y a pas longtemps qui est venue prendre une prise de sang à quelqu'un de mon entourage. Puis ça n'a pas de crise de bon sens. Je veux dire ce qu'elle dit, puis ce qu'elle fait. Mais c'est son affaire. C'est une infirmière, elle n'a pas le choix. Quelqu'un de conscient, il y aurait bien de la misère à faire ce job-là, dans le sens qu'il se rendrait compte. Donc, j'ai un pseudo pour t'irriter. Moi, ben, c'est parce qu'il va arriver, c'est que je vais finir par penser. Je ne suis pas sûr que c'est la dame que je pense. Mais l'affaire, c'est parce que tu me fais perdre mon temps. Je suis bien. Ou alors j'utilise ce pseudo pour t'irriter. Ça ne mérite pas. Je trouve juste ça que c'est triste. Je trouve ça niaiseux. Mais je vois, c'est quoi l'info? Faut se questionner. Là. Pourquoi je veux irriter? Parce que le problème, il est de ton bord. En tout cas, vous êtes une dame qui dit « je suis BDM ». Ben, il y en a une. C'est parce qu'il y en avait une. Comment qu'elle s'appelle? Elle? Dans le supramental, elle est allée achaler tout le monde. Puis tout le monde l'a flushé. Comment qu'elle s'appelle, donc? Ruth Lorrain, je pense. Je ne suis pas sûr. De toute façon, je ne devrais pas nommer personne. Je pensais que c'était peut-être elle, parce qu'elle pense que Bernard la possède, qu'il est en elle. Vous savez, l'hystérie, souvent, la dame va vouloir avoir un homme en elle, parce qu'il y a un refoulement de la libido, entre autres, ça va prendre des formes. Je le sais, c'est pas drôle. Mais bon, ben, c'est pas drôle, ça dépend. Je suis sûr qu'il y en a qui trouvent ça drôle. Ça l'aidera forcément. Moi, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Il y a du monde qui cherche à être BDM, mais BDM, ça reste BDM, et nous, c'est nous, ça montre qu'il n'y a rien qui est intégré. On est censé être de plus en plus quelqu'un qui intègre. Il se pourrait être de plus en plus lui-même. Même, il se rend compte de ce qui était irréel dans lui, puis il brûle. Il brûle de l'âme, là, l'esprit rentre de plus en plus. Puis là, il développe une identité de plus en plus réelle. Il n'y a plus besoin de réfléchir autant, puis ça va de soi, puis tout devient de plus en plus facile à ce niveau-là. Le mouvement devient de plus en plus facile. Là, quelqu'un qui cherche à être BDM, c'est sa montre qui ne comprend pas. Il n'y a personne qui. Quelqu'un de conscient là, qui voit c'était quoi BDM, c'était qui. Il n'y a personne qui veut être lui. Par des programmations abominables. C'est épouvantable. Il n'y a personne qui voudrait consciemment vivre ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que quand on s'incarne, on n'est pas au courant de nos programmations, puis on n'est pas au courant de. Si j'avais su, là. En tout cas. Occultement, le vaccin a-t-il été le vecteur pour scraper l'initiation, la fusion chez certaines personnes sans soupe? Non. Ben, je pense qu'il y a une conjoncture d'intérêt. Ça fait longtemps que ça a été tout pensé, tout ça. D'un autre côté, c'est des choses, c'est vieux comme le monde, ces affaires-là. C'est juste une façon encore de régulariser le troupeau, de gérer, le pouvoir, là, c'est quoi qui s'exerce dans l'ombre. Ça vient du pouvoir, ces décisions-là. Au Québec, il y en a plus de grosses bédaines que de BDM. Ah, ouais. Surtout depuis le confinement. Mais on en a moins qu'au sud de notre frontière. Là. Par souci de survie psychologique, le troupeau continuera d'écouter. Le collectif est donc voué à l'aboutissement de l'agenda. À moins ce que le vent vire d'abord, ça se peut pas. Moi, l'affaire, c'est qu'il y a des programmations collectives, il y a des programmations individuelles. Puis le collectif, ça, c'est un contexte. Donc, l'affaire de survie psychologique, le troupeau continuera d'écouter. Oui, le collectif est donc voué à l'aboutissement de oui. Mais ça, c'est le contexte. Dans le contexte, il va y avoir des individus. Vous savez, ce qui confirme la règle, c'est des exceptions, on peut dire. BDM, c'est un homme et cette femme, peut-être c'est la femme BDM, son double, moi. C'est parce que c'est supposé être un équivalent, là. Ça n'a pas la même pesanteur. Ça l'aidera à ne plus s'identifier à BDM. Ouais, ben là, c'est parce que c'est spécial, ça. C'est comme les schizophrènes qui pensent être le Christ, vont dire « Je suis Jésus ». Bon, c'est pas aussi grave, mais c'est pas sûr, peut-être quelqu'un et tout qui me niaise. Là. Dans ce cas-là, si c'est quelqu'un qui me niaise, il y a des bonnes chances que ce soit un homme. Ouais. Ouais. Tu sais, en tout cas, comment discerner le double éthérique du double luciférien quand nous sommes en processus? Ben, c'est facile. Tout qu'est-ce qui est votre corps de désir, tout qu'est-ce qui est votre envie de dominer, mais pour dominer. Le double, lui, il va vous faire intégrer de la volonté, de la créativité. Donc, quelqu'un là, qui a une volonté, là, mettons quelqu'un, il a une volonté, il dit « je vais avoir un char ». Quelqu'un qui n'a jamais eu d'auto, puis il est dans la map, puis tout, ben, il va finir par avoir un char, puis il va tout faire pour l'avoir. Mais ce ne sera pas un désir. Le double luciférien, lui, va vouloir une Lamborghini, il va vouloir un char de l'année, il va vouloir un beau char pour impressionner. Tandis que le double lumineux, lui, va faire intégrer la créativité qui rend l'acquisition ajustée aux réels besoins. Le double luciférien est fait de frustration. Le double lumineux, il est fait de besoins. Puis tous les besoins qui ne sont pas canalisés comme du monde, qui n'ont pas développé de créativité pour les atteindre, ça peut se transformer en frustration puis nourrir l'autre. Connais-tu Wim Hof qui arrive à contrôler ses systèmes nerveux et immunitaires par le froid et la respiration? C'est un avis sur ce genre de technique. Moi, ben oui, ben, je ne connais pas le monsieur, mais ces affaires-là, c'est connu. Même par la suggestion mentale, vous pouvez faire varier votre température corporelle. Il y a aussi les tumeaux, le phénomène des tumeaux. Mais vous savez, je ne pense pas grand-chose de ça. Moi, c'est en autant que c'est utile. En autant que ça sert. Donc, il y en a, comme il y a des yogis, ils sont capables d'accomplir des exploits, on peut appeler ça des exploits. Mais ça sert à impressionner, ça sert pas à... Bon. Donc, commencez par vous débarrasser de vos grosses bédaines, ensuite vous pourrez penser bêter. Ouais. Ben, vous savez, il y en a des brillants qui ont des grosses bédaines, puis ça n'a pas rapport, là, faut pas s'arrêter à ça. Il y en a du monde bien conscient, ils ont des bédaines, c'est pas grave, puis ils l'assument, ça les dérange pas. Tout le monde parle de Wim Hof, je le connais pas. Mais oui, c'est possiblement que tout le monde en parle. C'est pour ça que j'en parle pas. Je suis pas au courant. Mes amis voient tout et n'est pas dans le déni. Mais pour s'en distraire, ils se lancent dans un projet qui va encore plus l'enraciner au Québec. Ben, je vois pas de problème à s'enraciner au Québec. Vous savez-vous pourquoi le Canadien français est attaqué de même et on veut y enlever? Pourquoi? Parce qu'il est riche. Il est riche, riche, riche, riche, riche. Ouais, il sait pas. On est riche, riche, riche, riche, riche. On est très, très puissant. Puis ça, c'est lié au territoire, entre autres. Moi, j'ai pas de problème à m'enraciner au Québec. Comment faire la différence entre le corps vital, corps éthérique inférieur et le corps éthérique supérieur ou double? Le double et le corps éthérique, là, c'est pas pareil, là. Fait que là, déjà là, il faudrait faire la différence entre le corps éthérique puis le double. Le corps, votre corps éthérique va se fabriquer par une fusion avec le double. Et lui qui va servir d'intermédiaire à mesure que vous allez fusionner avec votre double, vous allez vous fabriquer un corps éthérique. Mais là, c'est vraiment important, là, en ce moment, là, ces notions-là, c'est des affaires pas mal. Parce que toutes ces choses-là, ça se fait tout seul. Dans le sens que c'est en suivant votre vibration. Comment faire la différence entre le corps vital, le corps éthérique inférieur et le corps éthérique supérieur? Bon, votre corps vital, en tant que, c'est comme l'énergie électrique cellulaire de votre corps physique. Le double supérieur, lui, est sur un autre plan, mais qui englobe le nôtre. Ça vibre un petit peu plus haut. C'est comme vous avez un animal qui est vivant, il va avoir un corps vital, mais il n'y aura pas de double éthérique. Donc, être soi est déjà un sacré taf pour sûr, moi. Bon, surtout quand on sait qu'on n'est pas grand-chose. Ça fait partie, ça, d'être grand pour vrai. Se rendre compte qu'on n'est pas grand-chose pour les autres, dans le sens que. Les honneurs, puis le statut social, puis dépendamment, ça, c'est le contexte qui crée ça. C'est en quelque sorte circonstanciel. Donc, quelque part, se rendre compte de sa petitesse à ce niveau-là, c'est intégrer sa grandeur à d'autres niveaux. Je le vois un peu comme ça. Puis plus qu'on sait ça, plus que, bon, ça devient moins. C'est comme. J'ai eu une conjointe, elle était découragée parce que je portais des vêtements jusqu'à j'allais pas, j'avais pas de rendez-vous, j'avais personne de spécifique à voir. Je portais des vêtements là, vraiment usés, puis vieux. Puis des fois, elle me disait comme si j'avais pas d'orgueil, comme si. Mais non, mais je m'en fous, là. Pour moi, c'est technique. Dans le sens que c'est sûr, si je vais faire un emprunt à une banque ou que je vais pas m'habiller comme ça. Mais si fortuitement je rencontre quelqu'un et que je t'habille comme ça, je m'en fous. Voyons, la personne va comprendre qu'il faut arrêter à un moment donné de. C'est pour ça, des fois, je vais être là. Vous pensez quoi? Pour les supposés pouvoirs, je me rappelle cet aphorisme. Si tu peux voler, tu ne fais pas mieux qu'une mouche. Quoique j'aimerais bien voler moi-même. Oui, ben vous savez, il y a des forces qui vont vouloir s'assurer que vous ne voulez pas de pouvoir, c'est-à-dire que ça ne vient pas du corps de désir. Parce que sinon, vous êtes dangereux. Ça va s'assurer que ça, c'est une voie. Si vous avez un pouvoir réel, ça va être par volonté. Par une intégration de la volonté. Donc, Marius Triton, bonjour à vous. Todd, je vois un problème à m'enraciner au Québec dans la mesure où j'ai des enfants. Un collectif devenu le banc d'essai du néo-communisme. Ça mérite un exil de quelque temps. Oui, peut-être. Vous n'aurez peut-être pas tort. Parce que là, c'est pas pareil, là, si vous avez des enfants, puis bon. Personnellement, j'ai fait le choix très tôt de ne pas avoir d'enfants. Quand j'étais un enfant moi-même, puis que je voyais comment les enfants étaient traités, puis comment c'était con, je veux dire, j'ai décidé que j'aurais pas d'enfants. Parce que je ne pensais pas avoir la capacité de les défendre contre le monde extérieur. Mais c'est sûr, si vous avez des enfants, ça change la donne, là. Mais d'un autre côté, n'oubliez pas de revenir. Quand vos enfants auront acquis la capacité d'être créatifs et se défendre eux-mêmes, ramenez-les, on en a besoin. Est-ce que la petite voix intérieure est un début de télépathie? Oui. Ben, la pensée est essentiellement télépathique, c'est juste que les gens ne le savent pas, ils ne s'en rendent pas compte. Vous êtes tout télépathe, tout le monde. Souvent, là, vous allez dire, là, il y a quelqu'un qui vous appelle sur votre téléphone, vous allez dire, ah, je pensais justement à toi. Ben oui, mais il y a eu une connexion sur les plans avec l'est par le téléphone. Ça va bien plus vite que les ondes de micro-ondes, ça. Donc, souvent, les gens vont rationaliser ça en disant, oh, ça, c'est fortuit, c'est des hasards. Ça vient de la vanité intellectuelle, rationnelle de l'être humain. Qui veut pas voir. Il veut pas voir, mais la télépathie, il n'y a rien d'autre. La pensée, c'est ça. La pensée, c'est essentiellement télépathique. C'est pour ça que faites l'expérience, ça doit arriver des fois où vous vous dénigrez vous-même.

Et c'est très inattendu ce qui peut arriver. Mais là, je ne suis pas en train de vous dire de vous lancer dans de l'expérimentation comme ça parce que ça peut être très dangereux. Les gens schizophrènes vont déjà pas bien. Il ne faut pas amplifier les. Dans quelle mesure le devoir de mémoire est astralisé? Ça dépend lequel. J'ai l'intention d'enregistrer mes parents sur leur histoire pour leurs petits-enfants. Ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne idée. Je ne vois pas en quoi c'est si astral que ça. C'est pas astralisé tant que ça. Vous n'êtes pas dans un lieu de commémoration de des vieilles affaires puis à pleurer, là. C'est pas pareil. Je veux dire, le devoir de mémoire astralisé, c'est pas mal celui-là. Comme, vous savez, certains types de commémoration puis d'apitoiement qui, au fond, sont liés à une identité collective, subjective, ça, c'est astral. Comme le jour du souvenir qu'il y en a, ils n'ont même pas fait la guerre, puis ils braillent aux cérémonies, puis ça, c'est astral, pas à peu près. Les métissés ont-ils le karma respectif de leurs origines distinctes? Ça dépend. Ça dépend. La génétique, c'est de l'âme. Puis la transmission, c'est karmique. Je veux dire, c'est les aspects les plus denses de l'âme, puis du karmique, ces choses-là, comme le patrimoine génétique, ces choses-là. Déjà là, c'est de déspiritualiser la vision qu'on a, notamment le karma, puis de voir que c'est comme j'avais déjà dit, j'ai dit, si vous aviez un grand-père qui avait tendance aux ongles incarnés, puis qu'au niveau génétique, vous avez hérité cette tendance-là, ben vous avez un ongle réincarné. C'est du karmique, mais puis c'est, je veux dire, c'est objectif, on n'est pas dans le. En tout cas, pas du bail, on est plus ou moins sur le même fuseau horaire. Ah oui? Ah bon, ok. Bon, là, j'étais inquiet. J'étais inquiet. À un moment donné, vous verrez pourquoi je considère que c'est dangereux d'être à Dubaï. Vous verrez ça. Peut-être même dans pas long. On verra bien. Mais, ah oui, le jackfruit. Ah, oh, j'aime beaucoup. C'est drôle, ça fait long. Ça fait des années que j'en ai pas mangé. Il faudrait que j'aille. Le jour du souvenir. Célébrer ceux qui ont vaincu la tyrannie pendant qu'une encore pire s'installe techniquement dans le présent. Rendons leur honneur en les imitant à calvaire. C'est ça. Parce que c'est là que ça devient dangereux, le karmique, c'est la répétition. Il n'y a pas d'évolution. C'est ça l'involution. L'involution, ça tourne en rond. Ça tourne en rond, puis c'est pas un mouvement qui d'expansion. Ça tourne en rond, puis ça reste le même rond. Il y a juste le contexte autour qui change. Parce que c'est bien dommage, mais vous pensez qu'à mettons qu'il y a une troisième guerre mondiale, qu'il n'y aura pas de conscription, qu'on on est plus évolué que ça. Puis même là, une troisième guerre mondiale, ça peut aller vite, avec les nouvelles bébelles. En tout cas, c'est pour ça, oui, je partage le. Je trouve ça abominable, c'est épouvantable. Finalement, réussira-t-on à avoir notre troisième guerre mondiale? Ça niaise, là. Je sais, c'est même pas drôle, mais on est entre deux chaises, moi. Hein. Bon, on devrait voir ça bientôt. Vous savez, j'ai un correspondant en France qui est visionnaire, pas dans le sens comme un industriel qui met un nouveau produit sur le marché, mais il est visionnaire dans le sens qu'il a des visions. Puis il y a eu une vision assez claire de chars d'assaut sur le territoire français, des chars russes. Nous verrons. Tout va très vite, hein. Puis ce qui se passe en ce moment, là. Le pire, c'est que d'une certaine façon, la guerre des médias, puis Poutine, il l'a perdu. Il l'a perdu, puis là, ça s'annonce pas bien. Là, les États du Nord, comme de raison, commencent à parler d'entrée dans l'OTAN. Je parle d'Europe du Nord, là, la Suède, la Norvège, eux qui ont tout le temps eu, en plus, Poutine, il manquera pas de souligner qu'il y avait eu beaucoup de volontaires pour être dans la Waffen-SS dans ce pays-là. Puis vous savez, là, ça devient délicat. Mais le territoire qu'il voulait, il le contrôle, là, Poutine. Parce que la zone tampon qu'il voulait, je suis pas sûr qu'il va se rendre jusqu'au port. Mais il reste qu'on verra bien. Mais d'après moi, le trois quarts de ce qu'il avait à faire est fait. Ça m'étonnerait bien gros. Pourquoi il est allé tant vers l'ouest? Pourquoi Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses stratégiques à détruire avant de contrôler comme il faut à l'est une certaine zone. Je le vois comme ça. On verra bien. Mais vous savez que, bon. En tout cas. Bonjour, il y a un paquet de multimillionnaires à Dubaï. Ouais. Ouais. Puis j'aime mieux être pauvre ici que millionnaire là-bas. La solitude dans un contexte de pollution qui rend malade est-elle un facteur de créativité dans la recherche d'adaptation ou bien dans la recherche d'un ailleurs? Alors là, ça, ce serait long. Hein? La solitude dans un contexte de pollution qui rend malade. Ça dépend là, ce que vous entendez par là. Mais la solitude qui devient un facteur de créativité. Ça peut être un facteur d'individuation, mais s'il y a une souffrance liée à ça, un facteur de créativité, je ne suis pas sûr. Ou bien dans la recherche d'un ailleurs. Ça dépend ce que vous voulez dire par là, là. C'est délicat. Mais c'est du cas par cas aussi. Donc, c'est le contexte hein, qui va. C'est le rapport avec le contexte, je dirais, qui fait la vue. La vue de l'individu en tant que centre dans son expérience. C'est ça qui est décisif, plus que le fait qu'il est solitaire ou pas. Merci Bertol, je suis obligé de quitter. J'écouterai la suite lorsque je transcrirai tes lives. J'en ai déjà fait pas mal. Ah oui, ah bon, merci Isia. Bonne journée. Karina, la grand-mère de mes enfants s'est suicidée bien avant qu'ils ne naissent. Ils ne connaissent pas la cause de sa mort, comme si je craignais de leur en parler ou d'ouvrir un truc. Moi, vous avez peut-être pas tort. Ça, c'est lié à votre ressenti, là. Si vous le sentez pas de leur dire, là, vous leur direz s'ils vous questionnent. Ben, ça dépend de leur âge aussi, mais c'est pas un conseil que je vous donne, là. C'est dans le sens, vous, comment vous le sentez. Pas pire ton jackfruit, mais un fruit nourrit un village. On s'est un peu tanné. Ah oui, c'est gros, hein? Ben oui, c'est comme le durian. Il y en a des, c'est ben trop gros. En plus, c'est tellement compliqué à faire venir ça. Vous savez, comme par exemple, le quartier chinois de Toronto, c'est tellement gros. Ben l'été, je me rappelle m'être promené là l'été, quand il y a les étals, puis plus c'est bizarre, plus ça pue, puis plus j'ai envie de manger. Mais il y a des fruits comme ça, ils sont au soleil. Les mouches se promènent dessus. Puis pourtant, moi, je ne me tanne pas. J'arrive pas. Mais c'est vrai que, bon, j'en ai pas mangé une semaine de temps non plus, là. Dubaï et son or noir, c'est sûr que ça va barder. Ouais. Ben ça, les Émirats Arabes Unis, puis aussi l'Arabie Saoudite, et puis. Savez-vous d'où ça vient, tout ça? Qui a aidé à la création de tout ça? Puis les pétromonarchies, puis tout. Regardez comme il faut l'histoire de ces places-là. Vous allez voir la patte griffue de l'Angleterre. Ah bon, vous parlez entre vous. Poutine, son baril de pétrole lui coûte 20 piastres et il le vend 70 piastres. Et voilà. Je l'avais dit dès le début, les sanctions. Les sanctions, ça n'allait pas nuire à la Russie, là. Même l'Occident est en train d'amplifier la destruction de son économie en blâmant Poutine. C'est complètement ridicule. C'est vraiment, ça en est presque comique. Bon, en tout cas, Marie-Jeanne, David, il a parlé d'Isia. C'est celle qui transcrit les vidéos, oui. Denis. Mon fils passe par Dubaï pour revenir au Québec en novembre. Il est à Singapour. Ah oui, ah, quelle chance, Paris. Ben, j'ai toujours voulu aller voir Singapour, mais le problème, c'est que je tolère très, très, très mal la chaleur. Donc, les lignes aériennes convergent souvent à Dubaï. Ah oui, ben, c'est certain, la Malaisie, c'est la façon que c'est placé. Mais, ah oui, Singapour, c'est dans les endroits que. J'aimerais des villes que j'aimerais bien voir. Je connais quelqu'un qui était allé à Séoul. Puis il n'était pas content d'être à Séoul. Puis il s'ennuyait. Puis il ne savait pas quoi faire. J'avoue que je comprends pas. J'avoue qu'être à Séoul, je ne chercherai pas longtemps quoi faire. Je passerai tout mon voyage à manger, puis à m'acheter des choses qui ne sont pas disponibles ici. Même, vous savez, à Séoul, les Coréens du Sud sont un petit peu racistes. Des fois, ils vont avoir des affiches, pas d'étrangers. On ne fait pas de problème, mais ça, c'est parce que les étrangers, entre guillemets, c'est des Occidentaux, genre comme les Américains. Même moi, si je pouvais, je mettrais une affiche, pas d'Américain ici. Mais l'affaire, c'est que je pense bien que j'aurais pas de problème. Je pense bien que j'aurais pas de problème. Habituellement, là, c'est drôle ça. Je passe souvent pour une autre nationalité, puis des nationalités totalement différentes. Il y a. C'est arrivé qu'on me prenne pour un Grec. C'est arrivé qu'on me prenne. Une fois, on m'a demandé si j'étais vietnamien. J'étais vraiment surpris. Franchement, j'ai pas l'air asiatique. Mais c'est peut-être lié à. Ça dépend dans quel état psychique je suis, on dirait. Les gens vont penser que je suis originaire que je suis d'une autre culture. Quand j'étais enfant, je passais souvent pour un petit Algonquin. Ce qui n'est pas le cas, là. Puis, bon. Mais, ah oui, les lignes aériennes, je ne sais pas, je ne serais pas capable de voyager comme ça. Votre fils est quand même chanceux. Il va avoir vu des choses que. Bon. Les souks du Maroc sont spéciaux aussi. Tête de chèvre, poumons, montagne d'épices. L'aseptisation morbide de notre société précède l'hystérie sanitaire. Moi, ben, on va créer. Aujourd'hui, c'est une feluette, là, l'occidental. Je veux dire, il est allergique à plein de choses. Il n'endure pas d'aller au soleil sans avoir En tout cas, je veux dire. Mais vous prenez comme le Maroc, les coins du Maghreb. C'est des cultures très, très riches. Mais bon, à cause du passé colonial, puis bon. Je pense que j'irai pas par peur de passer pour un Français. Ben, t'sais, mais même là, vous savez, je voyage pas. Je voyage pas. Singapour égale dictature. Ben oui, c'est comme le Sri Lanka. Puis, c'est des dictatures. Soft et oui, fait chaud et humide. Pas durable, ça prend la clim, ben oui. C'est pour ça que j'irai jamais. C'est pour ça que j'irai jamais. Mais oui, Singapour, c'est une dictature. Vous savez, la Malaisie, c'est une histoire assez. Bon, mais mon affection pour Singapour vient surtout de la communauté, une communauté d'origine, entre autres, chinoise. Plus que la Malaisie musulmane, là. C'est pas tout à fait. Parce que, vous savez, bon. Il y a une dictature, je suis pas super quand même. Surtout une dictature militaire, là, plus que religieuse, parce que. Prenez les recettes de soupe au porc de Singapour, de la communauté. Les musulmans le tolèrent. Ils sont pas trop. Comment t'expliques l'hystérie en Chine, l'agrandissement de la fenêtre d'Overton sanitaire? Ah, la Chine, c'est particulier. Vous savez, ça fait longtemps, eux, qu'ils sont dans un. C'est comme une secte, hein, ils sont complètement fermés sur eux-mêmes. Puis ça fait depuis. Il y en a encore, ils ont le portrait de Mao dans leur maison. Et ça, ils comprennent même pas leur propre histoire. L'hystérie, ça a tout le temps été l'hystérie en Chine. Ben franchement. Ça a tout un rough. La vie humaine n'a jamais eu de valeur beaucoup en Chine. D'ailleurs, à un moment donné, j'avais trouvé des vieux recueils de cuisine, des vieux recueils chinois qui étaient traduits. Puis il y avait comment apprêter la chair humaine dedans. Puis les différences, les types de viande, puis c'était spécial. À Hong Kong, dans les années 20, même un peu, même avant, à cause du fait que les Britanniques empêchaient la dynastie Qing d'avoir une autorité, c'était un comptoir commercial, c'était les Britanniques. Il y a certains vieux travailleurs qui revenaient, puis il y avait des restaurants de chair humaine. C'est épouvantable. Puis la Chine, ça a tout le temps été. Ben, c'est particulier, là. Différentes ethnies, c'est très différent. La mentalité d'une ethnie à l'autre, ça a tout un trait. C'est difficile de gérer un territoire comme ça. Vous savez, c'est un peu comme Saddam Hussein. Saddam Hussein, c'était un dictateur, c'était une pourriture. Mais pour gouverner l'Irak, il était correct, il était parfait. Donc, les Chinois, c'est difficile d'être objectif. La Chine. Mais bon, mais pour moi, la vraie Chine, actuellement, puis depuis longtemps, depuis la fin de la Première République, pendant l'ère Mingguo, la vraie Chine, c'est Taïwan. Puis en ce moment, je trouve ça inquiétant. Parce que la Chine a perdu son âme, si on peut dire. Elle a été remportée par les Britanniques, la guerre de l'opium. La Chine communiste, c'est pas la Chine. En tout cas, pas à mes yeux. Puis bon, elle vient d'où l'hystérie? Elle vient de ça. Puis c'est appliqué pour local, dans le sens ça a été adapté. En tout cas. De plus en plus malade, exposé aux pesticides et aux éoliennes, c'est le pays de mon enfance. J'ai l'impression d'avoir affaire. Plus je suis malade, plus je fais des découvertes. Vous parlez de quel pays? Laquelle? Bien santé, maladie, une étude difficile. Ben, vous savez, la santé, c'est un état, la maladie aussi. Puis on a tendance à voir ça autrement, les Occidentaux. Puis, mais je suis curieux, Novak, vous parlez de quoi, comme le pays de votre enfance? J'espère, c'est pas la Serbie toujours. Peut-être Novak Djokovic qui est en train de nous. Autrement dit, à Toronto, il fait chaud, ça pue, puis on. Ben, si vous allez visiter le quartier chinois de Toronto pendant l'été, là, les étals où ils mettent les litchis, puis bon, au soleil, ça fermente, puis à un moment donné, ça prend une petite odeur. Il y a même des étals de poissons, puis j'ai une formation en gestion sanitaire publique au niveau la manipulation des aliments. Puis, à Toronto, j'ai vu des choses spéciales dans le quartier chinois. Il semblerait que les autorités sont très compréhensives. Puis c'est pareil à Montréal, à certains coins, si vous allez dans les ruelles, là. Mais les Chinois sont chinois, c'est des Chinois. C'est-à-dire, c'est pas la même notion, c'est pas le même rapport. Les Occidentaux sont dans l'autre opposé, sont complètement fous. C'est de tout aseptiser, puis ils ont une notion de la propreté, alors que le contact avec les bactéries, c'est ça qui renforce le système immunitaire. Donc, quand je parle de ça, c'est pas une critique que je fais. Non, avec. Ah, Poitou-Charentes en France, pleine des céréales. Ah, bon. Ben oui. Ah, ben, c'est. Vous êtes parti de là. Moi, je peux comprendre un petit peu. Ah, ben. C'est drôle, je me demandais, je me disais, voyons, c'est sûrement pas un Chinois. Je trouvais que ça marchait pas. Mais la France, vous savez, c'est une des. Mais tout ça commence. Moi, à mes yeux, ben, tantôt, j'ai ramené ça jusqu'à Philippe d'Orléans, là, ça commence pas mal là. C'est détérioré. Puis, bon, c'est triste à dire, mais. Denis, faudra-t-il faire stockage de farine? On va en manquer. Moi, j'aime le pain. L'affaire, c'est pas qu'il en manque. Le problème, c'est pas qu'il en manque tant que ça, c'est quel prix sera-t-elle, la farine? Il manquera pas de farine, là, mais elle sera chère. C'est-à-dire, la pénurie, la rareté vont engendrer une hausse des prix. Parce que, qu'on le veuille ou pas, je vois pas. Je veux dire, même le Canada est un pays producteur de céréales, l'ouest du pays. À moins que. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, on joue avec des microparticules, puis qu'il y a des récoltes qui vont être perdues. Tout ça, c'est lié à de la spéculation au niveau des valeurs. C'est difficile de prévoir ce qui va arriver, là. Ben oui, vous pouvez en stocker, moi j'en ai. De stocker. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie, à un moment donné, si j'ai besoin de farine, d'être obligé de payer ça 500 $ le kilo. Tu sais, Dernièrement, justement, faire un petit parallèle avec ça, j'ai acheté une balance de comptoir. Vous savez, là, une balance qui pèse à la fois au gramme et aux onces, une balance comme on avait anciennement dans les boutiques, mais qui est les balances aussi qu'on sert dans les cuisines. Les cuisines, ceux qui savent beaucoup cuisiner, qu'on pèse beaucoup, là, ceux qui ont touché à la boulangerie, c'est mieux de peser que d'y aller avec des tasses, d'y aller avec des mesures par contenant. Et je voulais quelque chose de qualité comme j'avais connu, avec lesquels j'avais travaillé dans le temps. Donc, je voulais une balance de comptoir de grande qualité, très précise et tout. Donc, je m'en suis commandé une. Je l'ai payée 172 $, une petite balance là, de comptoir, alors qu'à l'époque, on achetait ça, c'était 40, 60 $. C'est incroyable comment l'inflation est galopante. J'appelle plus ça galopant. Il y a quelques années, j'avais prévenu une dame en France. Puis je lui avais dit, elle dit, ça va mal, il va y avoir une crise économique. Puis là, elle ne s'inquiétait pas avec ça. Puis je lui disais, non, le problème, c'est l'inflation. Là, j'ai plus de contact avec elle, cette correspondante-là, mais je suis pas mal sûr que ça a de la difficulté à arriver. Ça se peut pas, là. Donc, vous savez, là, tout ce qui est matière première, le sucre, la farine, ces choses-là, tout ce qui est rationné en temps de guerre. Essayez de faire des réserves, si possible. Je le sais que j'ai l'air de me répéter, ça fait plusieurs années que je dis ça. Mais, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, il faut toujours avoir 6 mois d'ingrédients secs de stocker. C'est une vieille règle que beaucoup de cultures appliquaient, notamment là, dans le monde chrétien. Puis d'avoir 6 mois d'avance d'ingrédients secs, c'est pour des raisons d'imprévus, entre autres. C'est pas nécessairement parce qu'on. Ah oui, l'huile aussi. Ben oui. Ça coûte tellement cher, l'huile. Encore une anecdote par rapport à ça. Je voulais un contenant pour l'huile parce que l'huile, maintenant, je la réutilise. Je suis quelqu'un qui frit beaucoup. Je portais à frire beaucoup du porc, du poulet, des choses comme ça, puis je réutilise la même huile. Je voulais un contenant pour la stocker. Vous savez, dans les restaurants chinois, entre autres, je parle des vrais restaurants chinois, là, pas des affaires américanisées avec des buffets, là, mais il va y avoir des contenants avec un filtre, vous versez votre huile là-dessus, puis c'est filtré par un filtre, puis vous pouvez la stocker. Puis là, par décantation, vous pouvez même, il y a certaines parties qui vont se figer dans le fond, puis vous pouvez jouer comme ça sur la qualité de votre huile en la décantant. Je voulais un contenant comme ça. Finalement, ça m'a coûté encore très cher. Tout ce qui est en acier, les prix ont augmenté parce que la plupart de ces choses-là que j'ai achetées, c'est du stainless, là, stainless steel. C'est dommage, là, mais oui, l'huile, dans le temps, les gens qui se prêtaient à l'alchimie, souvent, ils se ruinaient au niveau des matières premières avec l'huile. C'est l'huile qui coûtait cher. Donc, il y a du monde qui vont acheter beaucoup pour vendre beaucoup plus cher après. Ouais, mais c'est parce que quand vous êtes dans une situation d'une première nécessité, que l'argent ne vaut plus rien. Vous allez être porté à utiliser ce que vous avez de stocké plus qu'à le revendre, peut-être, là, à moins de le vendre vraiment, d'en avoir acheté des grandes quantités. Puis même là, il faut savoir combien de temps ce contexte-là va durer. Si c'est pour durer 5 ans, ça va vous donner quoi de faire un profit en revendant? Quand vous allez arriver pour vous restocker, vous allez déjà être obligé de racheter à perte parce que les prix vont avoir continué de monter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Costco va faire pour fortune, moi. Oh, ça me décourage, ça. Moi, ce que j'aime, c'est les petites épiceries indépendantes dans le temps, comme j'ai connu, là, un couple qui tenait une fruiterie, puis c'est toutes des affaires de même, Costco. Puis, je vais même pas au Maxi, j'essaie de pas y aller. J'aime pas la clientèle. Bon, en tout cas. Les hommes ont même chassé la baleine pour son huile. Ben oui, mais dans le temps, il y avait des lampes. Fallait. Mais il y a eu après les lampes à pétrole. Mais il y a eu un bout de temps, juste pour s'éclairer, ça prenait de l'huile, à moins de. Bon, il y avait des chandelles aussi, là, mais je veux dire, l'huile de baleine, oui, c'était. On pouvait faire n'importe quoi avec ça. Même Que penses-tu de Daniel Kemp? Vous parlez de Daniel Kemp Supramental, la chaîne? Ben, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui le diffuse. Quand j'ai commencé à parler, il y a un petit peu plus de 5 ans, je pense, sur Internet, il n'y avait rien. Hein? Sur Daniel Kemp, il n'y avait aucune chaîne. Il n'y avait aucune diffusion de Daniel Kemp. Il y a même quelqu'un qui m'avait écrit si je voulais avoir les enregistrements de Daniel Kemp. Puis je disais, je lui avais dit, j'ai dit, ils vont bien, ils vont finir par être disponibles sur YouTube. Il y avait, quand j'ai commencé à parler sur YouTube, il y avait Sabourin. Il y avait Sabourin. C'est pas mal tout. Puis là, il y a eu un bug. Là, il y en a plein qui ont ressorti, même du monde qui avait été dans le supramental il y a longtemps. Puis là, ils sont revenus. Puis là, il y a du monde, ils ont commencé à mettre des choses en ligne. Puis... qu'est-ce que je pense? Pas grand-chose. Je trouve ça correct. Ça, je suis content qu'il y ait des gens qui le diffusent quand même. Même si, bon, des fois, c'est du matériel sensible, des fois. Puis bon, c'est prêt à... les gens interprètent. Des fois, ça m'inquiète parce que c'est du matériel que quelqu'un qui serait fragile psychologiquement ou qui aurait une santé mentale, vous lui envoyez de la lumière, sa santé, sa maladie va se défendre. Si vous voulez, elle va s'amplifier. Puis bon. Ah ouais, ben moi, j'ai gagné 60 euros en jouant avec mes amis au dé. Ah oui, eh ben, je n'ai jamais été capable de jouer au dé. Je trouve ça plate. Je trouve ça, lui, il m'a aussi tant mieux si vous avez gagné. Savez-vous que les Amish n'ont pas le droit de jouer aux dés ni aux cartes? La tunique du Christ aurait été jouée aux dés par les soldats romains. Puis, aussi, là, dans le Deutéronome, il me semble qu'il y a quelque chose là-dessus, puis eux autres, là, c'est péché jouer aux cartes. J'ai eu de la chance aujourd'hui. Ah bon? Ben moi, je pense que j'en ai pas de chance. On dirait un sèche-cheveux de ton micro. Moi, je l'aime pas, mais bon. C'est ce que j'avais de mieux comme qualité de disponible. Moi, on dirait que... Donc, as-tu entendu parler... Ah, bonjour, Rayon Jaune. As-tu entendu parler de l'alimentation cétogène? Le métabolisme des graisses serait plus efficient, mais pourrait-on y voir une volonté de ces instigateurs à manipuler des adeptes à un niveau invisible? Je ne sais pas. Je pourrais pas dire. On va souvent faire des, prêter des intentions aux gens, puis finalement, c'est plus simple que ça. Tout est plus simple que ça. Souvent, les gens veulent juste faire de l'argent. Tout simplement. Un bonjour à tous de la part de la France. Ah, ben merci. Je ne pensais pas qu'un jour la Ve République me dirait bonjour en étant personnifiée par quelqu'un. Est-ce que c'est en votre nom de la France ou un bonjour de la part de la France? La France. Est-ce que réellement la France me dit bonjour? Est-ce que je peux l'avoir par écrit sur du papier officiel de l'Élysée? Ah ben, c'est de toute façon, ça s'adresse à tous, mais je le montrerai à l'écran. Ah ben, vous savez, la France. La France est devenue une province de l'Europe. J'espère que c'est pas cette France-là qui nous dit bonjour. Ok, c'est. J'essaie de penser à ces choses-là. C'est spécial, hein, comment est-ce qu'on a un attachement affectif, malgré tout, à l'Europe. Encore. En tout cas, dans mon cas, là, j'ai encore. La France a été une source de déception beaucoup. Puis, bon. Une source de toutes sortes de choses, mais pas autant que le Canada ou le Québec, là, je vous rassure. C'est certain qu'au niveau local, on se sent plus concerné, mais bon. Peut-être Macron, il vous regarde, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Mais non, ça m'étonnerait beaucoup. Même, je suis persuadé que non. Mais là, c'est une blague, là, je le comprends bien. Non, non, Macron. Je sais pas, là, il doit plus. Je pense pas que ce soit moi qui regarde. Des fois, je le sais que par contre, il y a des gens. Il y a des gens qui ne sont pas les moindres qui me regardent. Pourquoi? Parce que le monde est plus petit qu'on le pense. Le monde est plus petit qu'on le pense. Puis même si je fais mon possible, moi, je veux pas devenir trop connu. Je veux pas devenir populaire. Ça n'a jamais été mon cas. Même à un moment donné, j'ai été critique par rapport aux baby boomers, puis j'ai perdu quelques abonnés. Puis ça faisait mon affaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des baby boomers qui m'écoutent, mais ceux qui sont conscients et intelligents, quand je critique les baby boomers en tant que génération, en tant que collectif, ils savent que je parle pas d'eux individuellement. Ceux qui pensent que, qui se sentent visés individuellement, ça veut dire qu'ils comprennent pas ce que je dis, donc ils sont mieux d'aller voir ailleurs. Ils sont mieux de pas rester abonnés à moi. Ça veut dire que s'ils comprennent pas quelque chose d'aussi simple, ils peuvent pas comprendre le reste. Donc, vous savez, être populaire, c'est jamais bon signe. Prenez justement Macron, entre guillemets, qui est populaire, entre guillemets, même entre guillemets, en parenthèse. Macron est trop occupé à se regarder le nombril. Ah bon. Vous savez, je le vois pas comme si narcissique que ça. Pour moi, Macron est un employé, c'est un exécutant, c'est un tâcheron. Et c'est très, on, habituellement, on va pas prendre des gens trop individués pour ça. Donc, est-ce qu'il se regarde le nombril tant que ça? Sûrement d'une façon nerveuse et critique quand même. Mais pas par rapport aux masses, mais par rapport à ses patrons. Comme tout bon employé. Hey, j'ai pas eu le temps de. Oui, je pense que vous avez lu. Ur Ancia. Ah, je me souviens pas. Macron a fait son premier discours sur fond des Malajois. Ben oui. Les Malajois. Prenez Beethoven a été un grand admirateur de Napoléon. Ça a été, il a été aussi extrêmement enthousiaste. Ben, je parle pendant un temps, lui, il l'a pas. Il a aussi été très enthousiasmé par la Révolution. Beethoven. En tout cas, je vais m'arrêter là, là. Retour au supramental après choc puissant. Dans le temps, j'ai assisté à des conférences de BDM et Kemp pour m'en désintéresser presque pour de longues années, moi. Peut-être qu'il a fallu digérer un peu. Aussi, il ne faut pas être dans l'attente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui allaient voir Bernard puis qui attendaient de ça un développement personnel extraordinaire. Ils pensaient que là, il avait l'affaire. Puis non, il ne faut pas que ce soit par des fois, bon, moi, je peux comprendre qu'il y a eu des. Mais avec le recul, vous avez certainement réalisé que certaines affaires qui avaient été dites étaient réelles. J'en doute pas moi-même dans le temps. Je ne voulais rien savoir de ça. Mais la mère de mon père était tellement obsédée par Bernard, elle parlait rien de lui. Ça en était fatigant. Je disais, elle est dans une secte, elle est folle. Elle parlait juste de lui. Quand mon père a lu La Genèse du réel, après, il était plus pareil. Je trouvais ça inquiétant. Est-ce que là, maintenant, on est dans le mémoire? Oui, un petit peu. Ben, ça en prend de la mémoire. Imaginez que l'être humain n'aurait pas de mémoire. Il ne pourrait pas fonctionner. L'affaire, c'est qu'il ne faut pas que la mémoire empiète en dehors du fait qu'elle est contextuellement des outils de linéaire. C'est tout. Faut pas que la mémoire prenne plus de place que. Comment je pourrais dire ça? Il y a du monde, ils vont penser toute leur vie les mêmes affaires, sous les mêmes vieilles pensées. Il n'y a pas de possibilité d'expansion, de créativité. C'est là que la mémoire devient un enfermement. Puis ça devient difficile quand on est trop dans la mémoire de prévoir ce qui va arriver ou de se rendre compte de ce qui arrive, parce qu'il y a tout le temps un délai. Plus vous êtes dans la mémoire, puis moins vous êtes dans le présent. La mémoire, c'est un outil. Il ne faut pas que ça devienne. Faut pas être outillé par elle. De la possession, c'est ça. C'est quand on est l'outil de la mémoire. Puis c'est inconscient, c'est pas conscient, donc c'est quelqu'un qui se prend pour Jeanne d'Arc. Ça arrive. Ça arrive. Est-ce qu'elle a maintenant? Ah, ok, c'est la même chose. Dans ma vie, un de mes objectifs, c'était d'avoir mon terrain, puis d'avoir mon petit jardin. Puis j'étais pas plus ambitieux que ça. Je l'ai eu pendant un petit bout de temps. Puis finalement, le contexte a fait que je l'ai perdu. Pourquoi je parle de ça?

Pourquoi agir dans le secret? Pourquoi être dans le secret? Remémoration fugace d'événements ou même juste d'atmosphère qui arrive à tous bout de champ, des choses complètement oubliées, enfouies. C'est du vidage de mémoire. Je dirais que ça se réactualise. Je dirais que ça... j'en ai plus de... C'est drôle, hein? Avant, là, comme une odeur. Une odeur pouvait me ramener à des souvenirs très précis. Puis finalement, j'ai fini par perdre la mémoire affective de ce type-là. J'arrive plus à me souvenir. J'arrive plus à me souvenir au niveau des ambiances. J'arrive plus à me rappeler ce que c'était. Ça revient plus. En tout cas, dans mon cas, ça marche plus. Ça revient plus. C'est comme s'il n'y avait plus rien en arrière. C'est peut-être ça, le centre, le... Si c'est du vidage de mémoire, ça se répétera plus. Puis vous n'y penserez plus. Puis j'ai plus, quand je repense à mon enfance, puis j'ai plus le souvenir de l'ambiance, j'ai plus le souvenir de l'émotion. C'est comme si ça n'avait jamais existé. Mais ça, c'est l'âme, hein, chez moi qui a été malmenée. Très malmenée par l'esprit. Je me souviens, c'est incroyable comment ma mémoire a été modifiée. C'est épouvantable au fond d'une certaine façon. Quand je retombe dans l'âme ou dans mon ego, plus je vois ça comme épouvantable, mais je ne reviendrai pas en arrière. Je reviendrai pas. Je revivrai pas les ambiances dont je me souviens plus. Parce que je me souviens, par contre, que j'étais complètement quelqu'un d'autre. J'étais complètement autre chose. Arrête de sacrer, ça va t'aider à avoir la paix. Franchement, toi, arrête de radoter si tu veux la garder. Ça veut dire, ou tu l'as pas. Voyons donc, arrête de sacrer. En passant, là, arrête de sacrer, c'est mal écrit ton affaire. Sacré ER, pour accent aigu. Ah là là, c'est un acte manqué, ça, que ça s'appelle, là, entre autres. Pourquoi tu penses? Tu n'as pas d'affaire à me dire de sacré ou de pas sacré. Moi, je ne dis pas au monde de sacré ou pas de sacré. Je dis au monde de suivre leur vibration. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils sentent. Puis, non, on va continuer à sacrer. On va continuer à sacrer parce que c'est ça ma programmation. C'est ça mon. Il y a une partie de mon mandat qui passe par ça. C'est peut-être tout ce qui nous reste. C'est peut-être tout ce qui nous rattache vraiment à l'âme canadienne-française. Qui parle des tabernacles et des ostensoirs dans leur vrai contexte de nos jours? C'est peut-être encore. De toute façon, c'est un langage de puissance. C'est pour ça que ça déplaît. On est en train de la désacraliser, c'est-à-dire on sort de la spiritualité, on essaie d'entrer dans notre créativité. On peut-tu sacrer si ça nous tente? Franchement, de blasphémer. C'est quoi ça? Les Canadiens français ne comprennent pas le sens du mot blasphème. Blasphémer, là, c'est comme genre émettre une doctrine qui va contre les Écritures. Si on le prend au niveau littéral. Dire calice de tabarnak, c'est pas blasphémer. Tu sais, parce qu'il n'est pas question d'un calice dans son contexte, il n'est pas question du tabernacle dans son contexte, il est question d'extérioriser de l'énergie par des formes fugaces, entre autres, puis de donner une direction. À un moment donné, il va falloir exprimer de la colère, on n'a pas le choix. Aussi, perte de mémoire, bien fatigant. Oui, c'est quand ça peut être nuisible au niveau. Ça peut être nuisible au niveau de. Le blasphème, c'est quoi finalement? Faudra que je me mette dans un état puis je le demande. C'est quoi le blasphème? Le blasphème, c'est un discours qui va contre les lois universelles d'harmonie ou qui est contre nature ou dans lesquelles s'expriment des forces qui sont anti-homme, anti-vie. C'est ça le blasphème. Fait qu'au fond, il n'y a pas grand monde qui a autant blasphémé que les autorités spirituelles. Moi, j'ai jamais interdit à du monde de lire la Bible. J'ai jamais brûlé personne. Jamais. Hein? En espagnol aussi, on dit la hostia. Ouais, y a des, c'est là qu'on voit qu'on est des Latins, les Québécois. Le diable, les Québécois, on dirait liable. Ça ressemble beaucoup à El Diablo. Pour blasphémer, il faut créer du sacré. Voilà. Perte de mémoire dure pour l'ego. Moi, ouais, ben, si l'ego il est en perte de mémoire, des fois, c'est pas une hérésie, ça. Je sais pas. Peut-être. C'est du folklore, oui, entre autres. Mais il reste que c'est derrière ces mots-là, il y a des choses réelles extrêmement puissantes. C'est nous autres les tabernacles, c'est-à-dire que si vous êtes réceptacle de l'esprit, c'est quoi la fusion sinon la communion? C'est une forme de communion, c'est une forme de. On n'est plus au niveau de la. On n'est plus au niveau de. Voyons, comment est-ce qu'ils appellent ça, eux autres, la transubstantiation, puis. C'est bien plus. Là, on sort du folklore. Est-ce que ce n'est pas très facile de mettre la faute tout le temps sur les entités invisibles? Bon, mais moi, je ne fais pas ça. Moi, je dis que le monde entétise, donc c'est vous autres qui nourrissez. C'est les gens qui nourrissent des entités. C'est des gens qui permettent aux entités d'avoir accès à eux parce qu'ils ne comprennent pas le phénomène occulte de la pensée, le fait que l'être humain est un créateur endormi qui l'entétise, qui l'anthropomorphise de l'énergie. Moi, je mets tout sur le dos de la conscience, pas des entités. Parce que si on tombe dans de la conscience, les entités se poussent. Donc, un accident de voiture serait à voir comme un début de déblocage d'une situation pourrie ou bien une information à s'ancrer dans le contexte actuel. Invitation à trouver la vibration par moi-même. Peut-être, mais comme c'est du cas par cas, c'est contextuel. J'ai eu un accident de voiture quand j'étais petit. Ça m'a permis de me rendre compte que mon père était un irresponsable. Puis de ne pas tout le temps avoir confiance en lui. Puis ça m'a servi plus tard. Donc c'est contextuel, c'est du cas par cas, mais on pourrait voir ça comme une forme d'intégration. J'ai brûlé de l'émotivité, puis j'ai intégré un petit peu de réel. Parce que mon père, ouais, tu sais, je veux dire. Je veux dire, votre définition de blasphème n'est-elle pas en fait une définition d'hérésie? Une hérésie, c'est quelque chose qui n'est pas dans une doctrine. Ce qui va en dehors de la doctrine considérée comme la vérité par un groupe, ça c'était une hérésie. Tandis que le blasphème, c'est quasiment au niveau des mots du langage puis des concepts. Là, on est plus dans c'est un peu comme par le blasphème, si on désacralisait quelque chose, on peut voir ça comme un sacrilège, mais au niveau du langage, au niveau. Tandis que l'hérésie, plus précisément, c'est au niveau d'un groupe qui considère avoir la vérité. Si on sort de la doctrine, puis qu'on va dans une doctrine qui ne va pas dans le même sens, là, ça va être considéré comme une hérésie. Un hérétique, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la vérité selon ceux qui pensent être dans la vérité, mais comme. Le vrai, c'est l'envers du faux, mais tout le monde a l'air là-dedans. C'est encore, fait encore partie de la subjectivité de l'être humain à catégoriser son prochain. Ça vient tout le temps d'un manque d'amour. Quelqu'un qui aime les autres, il ne voit pas de l'hérésie, il voit de l'erreur ou de la naïveté chez l'autre. Il ne voit pas des blasphèmes, il voit un manque de maîtrise ou, voyez là, un manque d'ajustement. Voir l'autre, c'est pas le juger, c'est avoir du jugement. C'est pas pareil. Puis c'est ça que j'aime pas des doctrines. C'est ça que j'aime pas des notions de sacré. L'être humain est en train de sacraliser tout, puis il se respecte plus, il se voit plus lui comme sacré. Il respecte même pas sa sensibilité. Il extériorise tout. Fait qu'il peut pas intégrer, il intériorise rien. Il prend même plus conscience de lui-même. C'est triste. En tout cas, quelle est la différence entre Jésus et Nazaréen? Ben, le terme, c'est tout. Il n'y a pas de différence. C'est la même personne. La même personne. Je vois pas de différence. Ah, merci, Chanyan. Karina, sacraliser, c'est spiritualiser. Voilà. C'est parce que ça veut dire que vous ne maîtrisez pas l'énergie. Les tabous, c'est des formes qu'on mettait pour l'énergie. Un tabou, c'est une forme qui contient de l'énergie, puis c'est lié à la sacralisation de quelque chose. C'est là où l'intellect n'ose pas s'aventurer. C'est trop des terrains énergétiques trop vieux liés à la nature, t'as une peur de la nature, entre autres, t'as une peur de la nature réelle, des choses derrière les formes. La spiritualité, entre autres, comme l'intellect, va avoir servi à l'être humain à régulariser son rapport à sa propre énergie vitale, entre autres, puis à la nature. Donc, c'est des activités de compensation par rapport à des facultés qui ne sont pas encore là. Donc, on va sacraliser ce qu'on ne maîtrise pas, ou ce qui nous fait peur, entre autres, ou on va démoniser ou diaboliser même aussi des fois. C'est pour ça, les gens très, très spirituels, les gens très, très religieux, il y a beaucoup, c'est des sociétés où il y a beaucoup de tabous. Énormément. Il y a des choses, on n'en parle même pas. Donc, cette incapacité-là de gérer notre propre psychisme consciemment, puis d'avoir besoin de des formes comme ça, rigides, pour régulariser, encadrer l'énergie de notre propre émotivité, de nos propres peurs, de nos espoirs, puis il va falloir un jour sortir de ça tranquillement. Mais là, on a remplacé ça par de la doctrine scientifique, on a remplacé ça par de la doctrine idéologique, politique. C'est pas mieux, c'est tout aussi fou. Prenez dans le temps, il y avait les créditistes, le parti du crédit social, puis il y avait Camille Samson. Sous une forme de socialisme de droite, ça a l'air bizarre, mais ça venait de l'Ouest du Canada. C'était les Eberhard, puis les créditistes, le parti du crédit social. Puis on en avait un ici qui s'appelait Camille Samson. Camille Samson, lui, il a bien fait rire de lui parce qu'il avait l'air rétrograde un peu. À un moment donné, il était choqué, lui, par rapport aux réformes de l'enseignement, puis il faisait des discours, il disait, Mesdames et messieurs, ils sont en train de sortir la religion des écoles, et savez-vous ce qu'ils entrent dans les écoles? Ils entrent la drogue et le sexe. Ben oui, mais c'est évident, parce que si vous enlevez des formes régulatrices, des structures rigides pour réguler l'énergie, ce qui va le remplacer, c'est les vieilles forces de la nature, comme une libido qui est mal, ou bien le besoin d'expérimenter, comme la drogue, ces choses-là. C'est-à-dire, avant de sortir le catholicisme puis l'anglicanisme, ces choses-là, du système d'éducation, il aurait fallu pallier au fait que la jeunesse a besoin d'encadrement, puis que la nature a horreur du vide. Donc, il n'aurait pas fallu enlever ces choses-là avant d'avoir d'autres structures de régulation. Là, qu'est-ce qui remplace c'est quoi les idéologies aujourd'hui des écoles? Ben, c'est des affaires comme la pensée woke qui veut fusionner les genres. Vous voyez, là, le naturel revient vite. Vous enlevez le petit Jésus, le démon, pas loin, il revient tout de suite. Mais ça, c'est juste des formes. C'est derrière les formes, ce qui les force, ce qu'il faut comprendre. Mais Camille Samson, il n'y avait pas tort. S'il reste que c'est ça qui est arrivé, parce que c'était pas ajusté. C'était pas ajusté. Vous pouvez pas sortir une société qui a été rigide puis dans les tabous religieux pendant des décennies et puis sortir tout de suite, désacraliser tout. Puis c'est certain qu'il y a des forces inconscientes, naturelles, liées à l'animalité de l'être humain qui vont venir remplacer ça. C'est évident, ça fait partie des lois psychologiques occultes de l'âme qui fait que l'être humain est un canal, il canalise des forces qui s'expriment à travers lui, il est mis en mouvement. En tout cas, il reste que, bon, Camille Samson, lui, il servait du contexte. Pourquoi? Pour des raisons de politique, pour essayer de. Mais il y avait une vraie part derrière ça. Les tabous ne sont pas là pour rien. Mais ça prend de quoi pour les remplacer? Il faut réguler l'énergie. Si vous brisez tous les tabous d'un coup et que vous n'avez pas consciemment des structures plus évoluées pour après encore canaliser ces énergies-là, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? C'est pour ça que Aurobindo, entre autres, il avait parlé du sport pour les jeunes. Et ça prend de quoi? Ça prend quelque chose. Je veux dire, l'énergie, on ne peut pas la laisser à elle-même. C'est ça le démon. C'est inconscient, c'est des forces inconscientes. Fait que là, on a quoi, là? On a du monde qui sont plein de tatous, sont tous mutilés. Ils pensent que les genres n'existent pas. Puis c'est pire que le sexe et la drogue. Ça, c'est l'aboutissement de tout ça. Bon, est-ce qu'il fallait garder à tout prix la religion dans les écoles? Pas nécessairement, mais faut au moins comprendre le culte de ces mécaniques-là avant d'enlever. Hey, ça a pris des millénaires à se construire, ces structures-là. On peut pas enlever ça d'un coup puis penser que l'être humain, il reste fondamentalement animalien et psychologique. Il peut pas. Il y a toujours. Un vide va tout le temps. Si vous enlevez quelque chose, il va toujours avoir une autre force pour le remplacer. Là, on régressait. Les hippies et tout ça. Ça a donné quoi? T'sais? Louis Forestier, puis les psychédéliques, puis Québécois. Il n'y a rien de bon là-dedans. Ouais, mais c'était une période transitive d'une vieille société pour aller. Ouais, mais ça, on régresse, là. Trouvez-vous que ça va mieux maintenant? Je sais pas, les jeunes sont épanouis, vous les trouvez épanouis, puis ben non, ils sont suicidaires, ils sont malheureux, ils sont tout croche. Voyons, ils savent pas, la libido, c'est pas nécessairement sexuel, c'est de l'énergie psychique, il faut canaliser ça, ces affaires-là. Pourquoi on n'a pas enseigné ça? Pourquoi on n'en parle pas de ça? En tout cas. Ah là, il y a des tabous, il y a des problèmes. Ben oui, c'est pour justement, c'est une compensation. Mais il y a des forces incontrôlées. Qu'est-ce que tu penses sur la matrice? Ben, rien. Vous voulez que je pense de ça? Ça dépend, vous parlez de quoi? La matrice, vous parlez de l'utérus? De quoi vous parlez, tu sais? La matrice, les films. Les films que je suis pas capable d'écouter parce que je trouve ça plate, là. Ben, il y a un moment donné. Quand il y a eu le premier film, Le Seigneur des Anneaux, j'ai eu un beau-frère, il voulait que j'écoute ça. C'était un espèce de geek. Bon, je ne sais pas trop comment appeler ça. Puis lui, il tripait là-dessus. Il tripait pour moi. C'était des. Je l'ai écouté son film. Calisse que c'était long. C'était bien trop long. C'était épouvantable. Je veux dire, comment le monde. C'est correct, là, mais je veux dire la matrice. Vous voulez dire quoi? Que notre monde est artificiel? Ben oui, mais il faut que l'énergie se cristallise. Le plan matériel, vous pensez que ce n'est pas réel? C'est une illusion. Risqué, le réveil risque d'être brutal. Une fois que vous n'êtes plus dans votre corps matériel, vous êtes mort, puis qu'il n'y a plus de possibilité d'intégrer ou d'évoluer, vous êtes pris avec le niveau que vous avez, vous allez aller sur les plans qui correspondent à ça. Il faudrait réaliser pendant qu'il est temps la réalité de la matière, puis pas y tourner le dos pour voir une matrice artificielle nécessairement. Parce que là, on tombe dans des vieilles doctrines un peu comme les. Qui s'appelaient eux autres. Ils pensaient que c'était un démiurge là, qui avait créé le monde. Puis. Voyons, ils les ont tous massacrés. Bon, en tout cas, c'était des hérétiques, justement, entre guillemets. Là. Mais d'une certaine façon, il y avait de quoi au niveau de leur mystère qui n'était pas faux. Parce qu'eux autres, ils disaient que toutes les religions organisées de la planète étaient sataniques, puis tous les gouvernements étaient luciférien, puis ils avaient raison. Ils avaient au moins compris certaines règles planétaires. Même si la forme est vieille, là, mais vous savez, là, les cathares, les chrétiennes, les gentils. On atteint quand même des sommets vertigineux avec la création du Tyrus pour faire le vin, oui. Ah oui, des sommets vertigineux de sottises, puis de bêtises, puis de négation de la réalité, de la vie, des forces de vie. Donc, Louise Forestier, ah oui, moi, elle, c'est ça, des graines pas, là, comme. Prenez Charlebois. Moi, je suis pas capable. Désolé, là. C'est comme si des fois, j'ai l'impression d'être venu au monde dans les années 1880-1890. Ça se dit que je suis pas capable. Charlebois, là. Même il passe une affaire à la télé, c'est ensuite, là, il explique, il dit, oh, c'est bien beau, Beethoven, puis Mozart, mais dans la musique moderne, à Star, il n'y a rien qui m'arrive à acheter. Hey, imaginez. Allez dire une affaire de même. La première fois qu'il a fait un concert en France, ça avait fait un scandale parce que le public n'était pas comme il voulait. Mais oui, mais il est allé faire la première partie de Georgette Plana. Georgette Plana, c'est elle qui chantait. On l'appelait l'hirondelle du faubourg. C'était une pauvre fille d'amour. Ben oui, j'aime bien mieux Georgette Plana que Robert Charlebois. À 100 000 à l'heure. Moi, c'est pas pour rien qu'il fallait qu'il fasse la première partie de Le contraire eût été impossible. C'est normal que le public ait pas aimé ça, le psychédélique. Voyons. À un moment donné, là. faut arrêter là, de mettre sur un piédestal des affaires que. Après ça, le monde se pose des questions. Comment ça que Charlebois est allé chanter aux Hells Angels? Puis, ouais, oui, c'est ça. C'est un des rapports de. En tout cas, ça dépend qui. Moi, hier, j'ai fait une formation et une fille, elle dit, quand vous commencez avec le tatouage, c'est comme la drogue. Elle a fait plein de tatouages. Ben oui. Ben oui, c'est du monde qui n'a pas d'identité. C'est comme le monde, le gars là, qui s'était fait transformer en homme tigre, puis finalement, il s'est suicidé quand il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de qualité de vie, qu'il avait scrappé son corps. Quand vous avez des formes géométriques dessinées sur vous, ça émet des ondes, ça, là. Ça émet des vibrations, puis. C'est un peu comme on disait, là, ceux qui tombent dans la magie noire, là, sont plus capables de s'arrêter après. Ben oui, c'est sûr, c'est vibratoire, c'est des lois vibratoires. Regardez, là, la femme qui s'était faite violer, puis est devenue la femme vampire, c'est la femme qui a le plus de piercings après le corps du monde. Les forces ont réussi à la détruire totalement. Ça a commencé par un homme qui l'a pas respecté, hein, possédé, qu'il a commencé la destruction, puis elle a fini le reste pour se protéger. L'être humain, pour se protéger de forces négatives, va s'auto-détruire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la réalité. Il se voit pas. Faut pas te voir là, pour faire ça. C'est pour ça que, bon, moi, j'ai rien contre les gens qui se font faire des tatouages, mais j'ai le droit à mon opinion. Puis à mes yeux, c'est de l'automutilation, c'est des activités de compensation liées à une régression dans le tribal, un peu. C'est aussi lié à des fausses personnalités qui sont contextuelles, qui sont des fausses identités. C'est pas pour rien que le monde, ils se font tatouer des affaires qu'ils aiment. Je veux dire, des groupes de musique, bon, je suis correct. Un intellect trop présent crée des carences. Je viens de dire c'est correct. Mais. Vitamine D, entre autres, soigner le symptôme physique, c'est de prendre des compléments. Mais aurais-tu des conseils pour remettre l'intellect à sa place? C'est parce que vous me demandez de guérir l'intellect par l'intellect. Si vous le voyez que l'intellect n'est pas à sa place, c'est supposé annuler le processus, puis est supposé retourner à sa place. C'est la vue, avoir une vue claire, je ne vois pas autre chose. L'affaire, la vitamine D, juste le soleil, je comprends pas qu'on prenne des suppléments, comme si la nature n'était pas parfaite, là. Comme si on n'était pas le produit de notre environnement. L'affaire des suppléments, oui, quelqu'un de carencé peut-être, mais si vous avez une vie saine, vous n'êtes pas supposé de carencer de rien. C'est une compensation. Les suppléments, c'est pareil pour le reste. C'est vrai, c'est joli ce qu'elle a fait, mais je me demande à quoi ça sert le tatouage. Mais oui, mais juste étudier les anthropologues qui ont étudié certains comportements tribaux. C'est lié à l'identité sociale, entre autres. Puis, ah, Bertel, vous chantez bien. Ah oui, vous trouvez. Je trouve pas vraiment que je chante bien. Mais hein, c'est le fun. Je pourrais être un chanteur, savez-vous quoi? Parce que toutes les chansons de mon répertoire, là, ben d'après moi, il n'y a plus aucun droit. Il n'y a plus d'ayant droit. Elles sont toutes. En tout cas, maintenant. Mais, tu sais, je veux dire, moi, à mes yeux, Georgette Plana, c'est bien mieux que Charlebois. Ça se compare même pas. Ça se compare même pas. Tu sais, j'ai jamais compris au Québec. Les Français aiment tellement Robert Charlebois. Puis souvent, je vais discuter avec ces Français-là, puis ils connaissent pas, hein, les. Il y a une partie de leur musique qu'ils connaissent pas. Ils peuvent bien triper sur Charlebois. Voyons, vous avez des trésors dans votre culture, vous venez fouiller dans nos poubelles. Vous êtes en admiration devant nos poubelles. Pourquoi? C'est pas quoi, je comprends pas. Ben de la misère. Mais là, c'est l'Amérique. C'est l'Amérique, c'est-à-dire la maudite. C'est le nouveau monde, hein? Plus tard, là, les choses vont jouer sur ce continent-là. Puis on dirait que inconsciemment, l'être humain, il est mis en vibration par son âme, par l'Amérique. Puis des fois, moi, je l'ai de travers l'Amérique où je commence à. Pourtant, bon. Comment te protèges-tu de la folie du monde? Je me protège. Je me sens pas attaqué, je ne vais pas me protéger. Quelqu'un qui a une identité là, forte, là, puis qui est centré, puis tout, il ne se sent pas attaqué. C'est. J'ai confiance aussi que je vais faire les bons mouvements quand ça va être le temps. Juste à rester réceptif à ma sensibilité vibratoire. Charlebois va moins bien vieillir que Mazar, ah, ça c'est certain. Puis je vais vous faire un aveu, j'aime pas Mazar. À part certaines pièces, là, mais en général, j'aime pas Mazar. Vous savez, Mozart, c'est de la musique. C'est de la musique de divertissement. C'est de la musique de bourgeois en train de se divertir. On n'est pas dans de la. Peut-être à part son Requiem, puis tout, mais le reste, c'était pas de la. C'est drôle, hein, à l'époque, c'était pas vu comme. C'était du pop, là. En tout cas, mais. Les artistes hip-hop qui marchent parlent de crimes et ont de l'auditoire. Pourquoi autant de valeurs autodestructives sont-elles mises en valeur? Ben oui, parce qu'on est à l'image de l'involution, puis on est en fin de cycle. Il y a des forces qui servent de la musique pour détruire des civilisations, pour les entamer, en tout cas. Ouais. C'est de la corruption de l'âme. Moi, je le vois comme ça. Moi, le hip-hop, je suis pas capable. C'est tout le temps basé sur des instincts primaires. C'est tout le temps lié à des revendications. C'est vindicatif ou c'est de la frustration qui s'exprime. Je trouve pas ça créatif. C'est des vieilles rythmiques. Des vieilles rythmiques qui rappellent certains cultes là, qui viennent de certains coins. Mais je veux dire, pourquoi c'est lié au crime organisé, aux gangs de rue, si vous voulez. Ben oui, mais est-ce qu'on va dire que Frank Sinatra, c'était de la merde parce que les mafieux aimaient écouter ça? Ou que lui-même était un petit peu. Vous savez, la musique, là, c'est lié à l'âme puis à la vibration des corps, notamment tout ce qui est lié à l'âme. Donc, c'est normal qu'il y ait des forces involutives qui servent de la musique. Moi, personnellement, j'en écoute plus de musique, je suis plus capable. J'ai arrêté d'écouter de la musique, puis jamais j'aurais cru que jamais j'arrêterais un jour d'écouter de la musique. Même je jouais de plusieurs instruments, je composais, j'avais une facilité pour la musique. J'étais créatif par rapport à la musique. Moi, composer un morceau, ça me prenait 5 minutes. C'était pas long, là, des fois, ça prenait. C'était tellement rapide. Après, le reste, c'est juste du remplissage, peaufiner. Jamais j'aurais cru qu'un jour que je serais plus capable d'écouter de musique. J'aurais jamais cru ça. Aujourd'hui, ça a fait vibrer certains corps que je tout de suite, non, je veux rien savoir. Parce que je le sais, je l'ai vu. Mais ces jeunes-là, là, que leur identité naissante, puis tout, puis ils sont impressionnés. C'est de l'impression, un peu comme l'âme est marquée. Vous voyez, là? Ça crée de l'impression dans l'âme, puis là, ça va être lié à des formes par rapport au social. Ils vont se mettre à admirer du monde qui sont des gangsters. Sais, c'est un peu comme dans le temps du rock'n'roll. Je veux dire, le rock'n'roll, là, il vient du gospel aux États-Unis. Ben oui, c'est comme j'expliquais, c'est parce que c'est l'autre. C'est l'alter ego du gospel, au fond, au début, le rock'n'roll. Prenez Rosetta Tharpe, la sœur Sister Rosetta Tharpe. Elle a chanté pour Jesus, mais elle joue de la guitare électrique, c'est du rock'n'roll. C'est spécial de voir ça. Mais il reste que le rock'n'roll, il vient du gospel, puis, tu sais, c'est surprenant, mais c'est comme ça. C'est parce que l'être humain est polarisé. Il est polarisé dans son mental, il est polarisé dans son âme, il est polarisé magnétiquement dans son âme. Fait que le satanisme cérémoniel vient du catholicisme. L'être humain est comme ça. Vous enlevez la religion des écoles, il rentre le sexe et la drogue, c'est sûr. Mais oui, l'être humain n'a pas intégré ces mécaniques-là de compensation. Il y a des rééquilibrages, puis bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est pareil, les pop. C'est tous ces jeunes-là qui se tirent dessus là, à Montréal, là. C'est tout genre hip-hop. Tout du monde dans le hip-hop qui trippe sur le hip-hop. Ah oui. Et hip-hop. Pouf. Bou bou bou bou. Il y en a un qui s'était filmé qui a fusillé à plomb. Bou bou bou bou bou. Ah oui. Bou bou bou. Venez faire un tour par ici, vous allez voir. Ici, il y en a une clique de crime organisé, ils n'accepteront pas que ce genre de monde-là vienne prendre le marché ici. C'est pas mal plus rough que bou, bou, bou, bou. Ici, ils ne seront jamais arrêtés. Les têtes ne changent pas. En région, c'est pas ça qui m'a amené. Jamais. Même à un moment donné, je n'avais un qui viraillait dans le cours ici, un vendeur de drogue. Tout de suite, il checkait, il cherchait une adresse. Je suis allé le voir, je lui ai dit, t'es pas à bonne place, là, tu t'es trompé. Je connais tout le monde ici dans le bloc, là, puis je suis sûr que t'as pas d'affaires ici. Puis un bonhomme, assez gros, puis tout, mais. Non, non, je vois, t'as pas d'affaires ici. Il y a du style, c'est un fou. Fait qu'il est parti. Il a eu l'instinct de comprendre qu'il avait affaire à quoi qu'il comprenait pas. Parce que moi, j'avais pas une valeur, mais pas pour rien que je reste en région. Je ne veux jamais être dans un grand centre. Je veux rien savoir. Je veux rien savoir. Puis le hip-hop, ça a été utilisé par des producteurs aux États-Unis, un peu comme le jazz avant, qui était une bonne chose, je veux dire, mais ça a été utilisé pour détruire les valeurs familiales des Afro-Américains. Savez-vous, les Afro-Américains, ils divorçaient moins que les Blancs en général. Puis finalement, il y a eu des changements de valeur, puis c'est tous des producteurs blancs qui ont encouragé une certaine. Ils ont orienté ça. Puis moi, j'aime bien mieux vous savez, là, dans le temps, là, c'est comme. Des fois, on voit ça à Montréal, là, des Afro-Américains, des gens noirs, surtout des Haïtiens, ils s'habillent bien, ils ont des beaux habits, ils se mettent des nœuds papillons, ils se mettent des cravates. Il y a juste à Montréal qu'on voit des chauffeurs de taxi avec des cravates, souvent des Haïtiens. Puis ça, je trouve ça correct. Ça, j'aime ça. C'est eux autres qui vont être les gardiens de. Mais le reste, là, de hip-hop et tout ça, là, ça peut pas aider, ça. Là. Ça peut pas. C'est pas une richesse, ça. Là. Quand on regarde derrière les formes, juste la forme, on voit que c'est quoi. Imaginez ce qu'il y a derrière les formes. En tout cas. Quel Québécois connu actuel obtient ta considération? Je ne connais pas. Je ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Quel Québécois connu actuel? Je sais pas. À un moment donné, il y en a une à la télé, puis j'ai dit à quelqu'un qui était à côté, j'ai dit, c'est quoi ça? Et donc, ben, plate. Il a dit, oh, c'est Charlotte Cardin. J'ai dit, mon tout. Être endormi, donc bien plate. Tu sais, je veux dire, j'en ai pas d'appréciation. La musique actuelle, elle m'intéresse pas. Les artistes actuels non plus. Puis les acteurs, je trouve pas grave. Je veux dire, des grands acteurs comme Huguette Olignier, Marcel Sabourin, on en a plus. Mais c'est parce qu'on change d'époque. Puis moi, j'y deviens vieilli, mais qui ont ma considération. Pour ça, il faudrait que je les connaisse. Quel Québécois connu actuel obtient ta considération? Je ne les connais pas. Je les connais pas. Qu'est-ce que je vous dis? Il va falloir que j'arrête. Il va falloir que j'aille dîner là, dans pas long. Mon voisin est là. L'affaire avec les cigarettes, l'alcool, la drogue. Il a violé sa copine, lui et son copain. Elle est sainte. Mais voyez, ça en est des forces animaliennes, c'est ça. Comme vous savez, là, l'affaire l'alcool, la drogue, ça, c'est tout lié à des pulsions, des besoins. C'est lié à des régions animaliennes. C'est le cerveau animalien. C'est le cerveau. C'est ça. C'est tout le temps lié. Au lieu d'être créatif, c'est de dominer l'entourage, dominer le contexte. C'est de la domination au sens animalien du terme. Ça aboutit à des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ces gens-là sont aussi victimes que leur entourage. C'est juste inconscient, c'est des forces qui gouvernent. Donc, Sylvie Malta. Ah ben de rien. Est-ce que l'aide médicale à mourir est intelligente? C'est contextuel, c'est du cas par cas. Vous savez, là, avant c'était le suicide assisté. Après, c'est devenu. L'aide médicale à mourir, puis demain, ça va être l'euthanasie. Puis il y a bien des choses pendant la pandémie qui se sont passées dans des résidences, dans des CHSLD, qui ont été, les gens, ils se sont fait donner des doses létales de morphine, puis en France, des doses létales de Rivotril, c'est de l'euthanasie. Puis moi, dès que ça avait passé, ces lois-là, je l'avais dit, j'ai dit, il va y avoir des dérives. Il va y avoir des dérives, c'est évident. quand on connaît la nature humaine, la nature de... Est-ce que c'est intelligent, c'est du cas par cas? Des fois, oui. On ne peut pas laisser mourir quelqu'un pour rien. Puis d'ailleurs, dans le temps, les moines hospitaliers, il y avait une petite dague qu'on appelait de miséricorde, puis ils achevaient les gens qui souffraient trop avec ça. C'était pas considéré comme des meurtres. En tout cas, ça dépend. C'est le contexte qui fait que quelque chose est intelligent ou pas. Est-ce que l'empathie est une bonne chose encore là? Ça dépend. C'est du cas par cas. Si votre empathie vous permet de voir quelque chose, puis d'agir en conséquence, puis d'améliorer quelque chose, oui. Mais si c'est de l'empathie qui ne sert à rien, qui vous fait souffrir, non. Je le vois comme ça. L'oscillation est un principe important. À quel niveau cela se passe-t-il? C'est un motif perpétuel intégré. Oui, ben l'oscillation, il y a quelque chose d'aussi de l'expansion et de la contraction là-dedans. C'est de la géométrie, si on peut dire. Ça, l'oscillation fait partie de... On pourrait voir ça comme de la topologie, de la mécanique oscillatoire. Mais oui, c'est un principe important, dans le sens que c'est lié justement aux lois, hein, des lois universelles. Mais ça dépend. Est-ce que c'est un motif perpétuel intégré? Ça dépend de quoi on parle. Si on comprend certaines lois, comme de retour de balancier ou... ça devient tout aussi solide puis réel que les lois de la thermodynamique. On peut finir par prévoir des choses. L'intégrer, au fond, oui, je veux dire, plus vous le voyez, on peut en finir. Tu as parlé de la physique de l'oscillation, ça m'intéresse beaucoup. Ben, tout est oscillation. S'il n'y avait pas de... Il y a un philosophe, je ne me rappelle plus, je pense que c'était un Chinois, qui disait qu'il y avait juste... l'univers était constitué d'une seule particule qui oscillait tellement rapidement que tout le paysage était dessiné par un grain de riz. Donc, tout l'univers était contenu dans un grain de riz qui... ça peut sembler fou... Mais c'est une façon de parler quelque chose qui ne se dit pas, qui ne se parle pas. Mais oui, tout est oscillé. Vous savez, l'oscillation crée l'espace. Elle crée le mouvement. Le mouvement crée l'espace. C'est pour ça, là, je vous parlais des principes contraction, expansion. C'est comme, comment ils appellent ça, les rabbins. Tzum-tzum, c'est-à-dire que l'univers crée de l'espace en se rétractant en lui-même, ce qui engendre une expansion. Puis ça, c'est une expression de l'oscillation. Donc, ouais, Rivotril, oui, en France, c'est de l'euthanasie, ça. Donc, on est passé du suicide assisté à l'aide médicale à mourir à de l'euthanasie qui s'ignore, qui refuse de se nommer. Mais c'était prévisible, ça. J'en avais parlé, je pense, ça fait 4 ans. Je veux dire, on s'en va vers ça. On s'en va vers ça. On a convaincu les gens que c'était de la ressource humaine. Il faut gérer ça, c'est de la ressource humaine. C'est des physiocrates. C'est certain que ces gens-là n'auront pas... L'affaire, c'est qu'on n'a plus la notion quelque chose qu'il va falloir un jour qu'il refasse sa réapparition. Puis ça, ce sera quand on aura de nouveau une civilisation sur Terre qui a un visage, qui n'est pas fragmenté. C'est la dignité, la notion de dignité. Pas besoin, pour être digne, pas besoin d'être riche, pas besoin de... Mais il faut que ce soit... C'est quelque chose qui se fait respecter par nature. On ne peut pas... l'indigne, c'est pas la personne qui se fait euthanasier, là. Parce qu'il faut vraiment être indigne soi-même pour pouvoir... En tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, là. C'est incroyable. La façon, comme là, le gouvernement, il veut pas d'enquête publique sur ce qui s'est passé dans les CHSLD, puis ça continue. Puis Margaret Blais, elle a dit récemment que même après l'interdiction, pas l'interdiction, mais qu'il allait enlever l'obligation du port du masque dans les lieux publics, qu'elle allait continuer à le porter. Il y a du monde, ils apprennent pas de leur erreur, puis sont totalement dégueulasses. Pour qui qu'elle se prend? Elle n'est pas sortie du bois. Elle n'est pas sortie du bois. Ce monde-là sont toutes dans la merde. Je vous le garantis, ça restera pas là. Ça restera pas là. Sont vraiment, je voudrais pas être à leur place. Je voudrais vraiment pas être à leur place, là. Elle a pas fini. On va s'en souvenir. Moi, je vais m'en, j'oublierai jamais ça. Pour une fois que la mémoire peut servir, là. Moi, j'oublierai jamais ça. Puis je suis pas tout seul. On est des centaines de milliers qu'on n'oubliera pas. On n'oubliera pas, puis ils sont pas sortis du bois. C'est pas fini. C'est pas fini. Puis, tôt ou tard, là, on peut mentir à un tel, puis un tel pendant un certain temps, faire accraire des affaires pendant. Vous pouvez pas mentir à tout le monde tout le temps, pendant longtemps comme ça se peut pas. À un moment donné, ce monde-là, en tout cas, comme là, Jack Meeting, là, il dit, oh, c'est des sauvages, puis là, oh, non, non, non. Ça commence. Ça commence. Moi, il est venu ici, Legault. Supposément, il dit, Legault fait sa tournée, il est à la rencontre des Québécois. Fait que moi, je me suis mis une chemise puis un habit pour aller rencontrer mon premier ministre. On n'avait même pas le droit d'embarquer sur le gazon du bâtiment. Il y avait des gardes de sécurité, là. On aurait cru que c'était Céline Dion qui était là. Il y avait des gardes de sécurité comme c'était le pape qui était là. On n'avait pas le droit de mettre un pied sur le gazon. C'est du monde sélectionné qui est allé à la rencontre d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Puis ils ont raison d'avoir peur. Ils ont peur, puis ils ont raison d'avoir peur. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une foule en colère. Relisez la psychologie des foules de Gustave Le Bon. Ils ne sont pas sortis du bois. Puis c'est pas les exécutants qui leur ont fait tout faire. Ça qui vont payer, c'est eux autres. C'est les tâcherons qui vont payer. Parce qu'à un moment donné, le peuple, il va avoir besoin d'un exutoire, d'un psychodrame, puis il va avoir besoin de des coupables, puis il va vouloir qu'il y ait des têtes qui roulent. C'est sûr. Ça fait partie des lois historiques de l'être humain. Ils ont juste à regarder l'histoire, puis ils vont finir par comprendre. Jack Meeting, il est aveugle de même plus pouvoir se promener de sur la rue. C'est aveugle. À un moment donné, là, si ça continue, il y en a, va falloir que la police intervienne pour pas qu'ils se fassent lyncher. S'ils ne sont pas assez prudents. Le monde, ils ne sont pas fous. Ils sont pas, c'est pas fou. Puis l'autre, là, Marguerite Blais, là, puis toute cette gang-là, là, à un moment donné, le monde va être enragé. Ils vont être en colère. Moi, jamais j'inciterai les gens à faire ça ou à vouloir se venger ou à faire des émeutes. Jamais je ferai ça. J'encourage pas le monde à se faire justice eux-mêmes non plus. Ce que je dis, c'est qu'il y a des lois naturelles, sociales, qui vont s'exercer à un moment donné. Tôt ou tard, ça va arriver. Voyons, je connais assez la nature humaine pour savoir que ça y finira pas bien, tout ça. C'est comme l'autre, Macron, puis Attali, là. Sont bien mieux d'un moment donné quand ça va être le temps de sacrer le camp, puis d'aller se cacher, puis peut-être va falloir qu'ils se fassent faire la face. Ça restera pas là. Ça restera pas là parce qu'il y a des lois de balancier. Des lois de. Les gens aiment pas ça, du monde de même. Et, tu sais, je veux dire. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous dis, c'est naturel, ça va être viscéral, puis ça va être incontrôlable, puis ça va être automatique, puis ça va être clair et net. Ça va être clair et net. Puis même des fois, ceux qui vont partir ça, c'est pour ça que moi, j'encourage à rien. Je le sais juste selon des lois que ça va arriver, mais c'est comme, vous savez, bon, ben Robespierre, à un moment donné, il a goûté à sa médecine. Ça veut dire qu'il va arriver du monde après, puis d'autres mondes après, puis d'autres. Puis eux autres sont faites, là. Oui, c'est comme ma députée ici, là, si elle prend sa retraite ici dans la région, elle va se rendre compte que c'est invivable. C'est invivable. Quand tu as 50 à 75 % de la population qui t'en veut, puis qui se rappelle de ta face, puis pas à peu près, moi, j'oublierai jamais ça. Si jamais je la rencontre, je dis bonjour, comment allez-vous? Puis je vais lui faire un show tout en la regardant dans les yeux. Mes yeux, ils diront pas bonjour, comment allez-vous? Elle va le sentir. Mais je vais rester dans le protocolaire. Bonjour, comment allez-vous? Genre, combien de temps qu'il te reste, tu penses? En tout cas. Hey, j'en ai perdu, là. J'étais parti sur. Donc, dualité, c'est une partie non séparable de l'univers. Ben, c'est une loi, on peut dire, mais c'est fait partie des lois magnétiques. Liées aux structures, entre autres. Nous autres aussi, on est dans la merde pour l'instant. Ils vont frapper fort en septembre. Moi, je quitte pour le Mexique. Ah oui. Ben oui, pourquoi pas. C'est drôle, hein? J'aurais jamais cru que le Mexique pourrait être un endroit d'exil tranquille et. Quand le vent va tourner, j'aurai aucune empathie. Ah oui, ben non, puis vous n'êtes pas tout seul, on n'aura pas d'empathie personne. On n'est pas de la même nature, comment est-ce qu'on pourrait se mettre à leur place? Ce monde-là, ils n'ont pas d'âme. Ils ont de l'âme, oui, mais ils n'ont rien d'autre. Je veux dire, vous savez ce que je veux dire, là. Avez-vous vu, le pape vient ici bientôt? Ouais, pas le pape. Ce monsieur-là, là. Ouais, lui tout, il va être, ouais. Je confronterai aussi les moutons et les passifs qui prétendront avoir tout vu également. Ouais, tu sais, moi, c'était même pas. Je veux dire, on est plusieurs qu'on l'avait dit là, des années d'avance, des affaires. Puis, bon, moi, ceux que j'ai autour de moi, les moutons, je les achale pas, je les confronte pas. Et vous savez, ça va être déjà assez difficile. Ils vont être confrontés par la réalité du contexte. Chez nous, au travail, on ne porte plus la muselière. Il y a du monde qui continue de la porter. Mais oui, ben c'est là qu'on voit qui est chez qui ça, cette programmation-là, que c'est comme une secte, là. Chez qui ça marche le plus. Eux autres, ça les rassure, puis pour des raisons psychologiques, ils vont le garder. On leur a fait à croire que ça sauvait des vies de se le mettre d'en face. Là, il y a des angoisses de vie puis de mort liées à ça. S'ils se l'enlèvent, ils vont avoir l'impression de tuer du monde. Ou de se mettre eux-mêmes en danger parce qu'il y a une loi de projection là-dedans. Mais il reste que c'est des activités de projection, puis de compensation. Il faut être vraiment dehors de la réalité, là. L'infirmière qui est venue aujourd'hui, elle avait son masque. Elle a dit, j'ai de quoi sur le bout du nez qui me chatouille, c'est assez tannant. Je la regarde, je dis, ouais, il y avait une grosse affaire bleue dans la face. Les gens ont déjà oublié pour les petits vieux morts dans leur marne. Je ne sais pas si la colère viendra pour les bonnes raisons. Ça risque d'être acheminé. Que de vous pas, il y en a qui ont de la mémoire pour les autres. Il y en a qui ont de la mémoire pour 2 puis 10. Puis ils vont le rappeler à mémoire aux autres. Moi, je veux juste que tu arrêtes de sacrer parce que les enfants sont à côté de moi pendant que je prépare le dîner de ma garderie. Ah, oh, ben là. Vous savez, moi, c'est pas le temps de m'écouter pendant que vous préférez ça, là. C'est pas de ma faute, c'est vous, là. C'est vous. Je peux bien. Même là, c'est pas pour rien qu'à chaque fois que je fais un direct que je coche. Non, ce n'est pas conçu pour des enfants, là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi ils me le redemandent à chaque fois. En tout cas, le masque va devenir un détecteur d'hypocondriaque. Moron. Ben oui. Ben, c'est déjà ça. Hey, ma propriétaire, quand elle prend sa marche, là, elle est dans la rue avec son masque. Voyons donc, les masques de procédure, c'est pour bloquer les bactéries, pendant que. Puis c'est pour pas qu'ils arrivent, mais pas qu'ils sortent, comme pendant les procédures. Bonjour Mathilde. Marie-Jeanne a du fun. Mais, je veux dire, elle est folle. Une femme brillante de même, tous les jours, elle prend sa marche avec son masque, elle se promène. Puis, je t'avais de lui dire. Je suis à la veille de lui dire vraiment, là, je dis, voyons, pourquoi vous avez ça? Puis elle va dire, oui, mais c'est pour ci, puis ça. Je vais dire, oui, mais. Puis elle va dire, oui, mais. Non, mais. Moi, chaque fois que je vois avec ça, j'en pense pas moins, là. Moi, mes yeux, il faut être imbécile, là. Peu importe qui. Pas parce que vous êtes millionnaire. Que... C'est là qu'on voit le côté circonstanciel de la vie. C'est pas l'intelligence qui l'a rendu millionnaire, c'est des circonstances. Parce que c'est pas normal de. On peut pas dire que quelqu'un qui agit de même est intelligent. C'est pas tellement ridicule, c'est tellement pas intelligent. Voyons, elle est toute seule dans la rue, puis elle a son masque. Elle protège qui? Puis elle se protège quoi? De quoi, là? En tout cas, des millions de Français n'oublieront pas. Ben oui. Mais de la même façon que. C'est parce que c'est un long aboutissement, là. Jean Catali, il a pas l'air de s'inquiéter. Pour lui-même, Par contre, le jour où il prend l'avion puis il décide de sortir de la France pour aller je sais pas où, là, faites attention, c'est parce qu'il s'en vient des événements. En tout cas, pour l'instant, le masque est une diversion. Pendant ce temps, les gens parlent de ça. Ils passent plein de trucs bien, bien plus graves. Ben oui, c'est certain. C'est un peu comme j'écoutais les nouvelles hier, puis c'était toutes des fausses nouvelles. C'était toutes des fausses nouvelles. Je veux dire, il se passe beaucoup de choses que je vois en ce moment. Il s'en vient un effondrement économique assez grave. Puis non, on n'en parle pas bien, bien. On parle d'affaires que je ne me souviens même pas, là. La face de Tartelette quand il s'est fait confronter, pas tant un sociopathe qu'un pauvre type sans amour-propre, et voilà. Arruda, c'est pas un psychopathe ou un sociopathe, c'est un imbécile. C'est un cabochon, c'est comme un enfant. Tu lui promets, tu lui dis, là, veux-tu un bonbon tout de suite ou 10 bonbons dans une semaine? Là, je veux un bonbon tout de suite. C'est ça, Horacio Arruda. C'est du monde naïf. C'est du monde. Parce que moi, je l'ai vu ça, si on parle de la même vidéo, là, il a peur dans ses yeux. J'ai vu une peur dans ses yeux. Ça avait l'air d'un petit chien qui s'est déjà fait battre, vous faites juste ça, puis le petit chien, là. Un pauvre petit chien. Il fait pitié, ce monsieur-là. Il fait bien plus. Le go, là, on est plus dans du. Ouais, c'est haut calibre. Mais Arruda, c'est un petit tâcheron. C'est un petit tâcheron. Regardez Boileau. Boileau. On voit que c'est pas une lumière. Hein? Ceux-là qui doutent d'eux-mêmes que vous ne pouvez pas faire des hautes études comme de médecine, là, moi, je vous suggère de vous lancer quand même. Parce que si Arruda et Boileau sont capables d'aller chercher un doctorat, vous aussi. C'est sûr, mais voyons, il s'agit d'avoir la persévérance, puis d'avoir le contexte que ça continue. Mais à part ça, Boileau, non, mais il a l'air plus cave qu'Arruda. Faut le faire. Il fait encore plus pitié, ils font pitié. J'ai pas de pitié pour Dubé, puis pour Legault, mais Arruda, puis Boileau. Pauvres, ils sont dans la merde, ils sont dans la merde, puis ils s'en rendent pas compte. C'est triste. Boileau, c'est le père de la fille de l'attaché presse à Dubé, je pense. Sais, tout est tellement circonstanciel, il y a des connexions à du clientélisme puis du patronage dans notre monde que ça en est drôle. C'est ridicule. Puis Boileau, y avez-vous vu la baboune? Il a gueule, comme je ne suis pas capable de faire ça. Il a gueule un peu comme le chat du Cheshire. Là. Il a une drôle de face. C'est du drôle de monde. Ils sont bizarres. Voyons. Ils ont toutes quelque chose. Ils sont tous spéciaux. Mais lui, bon, il fait des conférences de presse pour rien dire. Il faut le faire. Avant, on avait des insignifiants qui parlaient pour ne rien dire, comme moi des fois. Mais là, à cette heure, si on est à la vitesse supérieure d'une conférence de presse complète pour ne rien dire. C'est plus de la langue de bois, là. C'est de la langue de pâte à papier, c'est de la langue de bouette. En tout cas, je vais devoir arrêter bientôt, là. Pour l'instant, le masque est une. Oui, la phase de. Oui, on aura le masque à chaque hiver pour une dizaine d'années, c'est pas plus. En plus, ils nous bâtissent des usines de doses d'en face subventionnées. Ben oui, mais on verra bien. Nous verrons bien. Des fois, l'histoire, c'est particulier. Désolé, mais il faut être fou pour oublier ce qu'ils nous ont imposé et fait. Oui, mais je pense que du pire s'en vient, possiblement. Parce que vous savez, s'ils ont pu avancer, réussir à imposer certains, ils vont essayer d'aller plus loin, puis plus loin. C'est comme des enfants. Je vois mes proches à chaque fois dire c'est plus possible. La prochaine fois, je désobéis et à chaque nouvelle mesure, ils obéissent à nouveau. Les gens oublient beaucoup. Ben oui. C'est comme quand ils ont mis le passeport sanitaire, puis je ne pouvais plus aller au restaurant. J'ai cessé d'y aller, mais maintenant qu'ils l'ont enlevé, je ne retourne pas. Je ne retournerai jamais. Aucun des restaurants qui a été ouvert pendant ce temps-là, je ne retournerai jamais. Ils ont collaboré à ça. Donc, ils sont vraiment Lovecraftiens. Même la face crotale du WEF ressemble à un des points. Simple. Je me demande de. Je comprends pas tout ce que vous me dites là. Mais oui, c'est Lovecraftien, tellement qu'on se demande. Au niveau de la génétique, ils sortent d'où ce monde-là? prenez Klaus Schwab, avez-vous vu la face? Ou l'autre, là, comment est-ce que Mike, chose, là, Zuckerberg. Ils ont quelque chose de Lovecraftien, l'ensemble des créatures marines. On dirait qu'il arrive des fonds marins. Je sais pas, vous vous souvenez le film des années 70, là, les humanoïdes de la mer. Ça ressemble à ça. Puis, bon, du coup, dernière question. Est-ce qu'une planète a une conscience? Merci beaucoup. Je dirais que non. Oui, une intelligence, on peut dire. Même si vous vérifiez d'autres enseignements qui ont parlé de ça. Il y a une intelligence, oui, planétaire, dans le sens d'une entité vivante, une planète, en tout cas la nôtre. Une conscience individuelle. Puis on est plus à voir une espèce de voir ça comme un gros animal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, moi c'est pire. Je leur prévois les coups. Ils me traitent de fou, qu'ils vont se rebeller si ça arrive. Puis ils se conforment en se justifiant. Ouais. Ben j'en ai pas ben autour. Vous savez, moi, je suis entouré. Les gens les plus proches, ils n'ont pas embarqué dans ces choses-là. Bon, ils vont se conformer pour des raisons techniques, parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais le reste de ma famille, ils croient tout à ça. Mes oncles, mes tantes. Ben, j'ai une tante, elle a été inoculée, elle a eu mal dans l'abdomen, une affaire épouvantable. Puis Annick, c'est à cause de ça, pourtant. C'est d'un symptôme, pourtant, que Pfizer a publié. Ils croient pas. Ils veulent pas. Ils sont bien plus confortables de ne pas se rendre compte. Ben, c'est correct. Comment ça, je suis chanceux? Moi, ça, je suis chanceux. Oh. Ben, je confronte pas les gens. Je veux dire, c'est des choses que je parle pas de ça avec le monde. Je parle pas de ça avec mes proches. Ben, il y a juste ma propriétaire, je la vois passer toutes les soirs avec son masque dans la face. C'est juste pour un moment donné, je dis, voyons, pourquoi vous avez ça dehors? Qu'est-ce que vous faites là? Il faut que ben, je me divertisse un peu. Hein? Tu sais, je veux dire, c'est comme, je pense à Alexis Cossette-Trudel, il disait quand il voyait quelqu'un avec son masque dans son auto, il faisait, hein? En tout cas, perte de mémoire à court terme à ne pas finir ces phrases se relie à une atteinte de. La glande pinéale par les ondes et les métaux lourds, qu'en dis-tu? Ça n'a pas rapport parce que souvent je ne vais pas finir ma phrase parce que je ne veux pas la finir. Ou parce que je considère que ce n'est pas nécessaire. Les gens à qui je m'adresse ont compris. C'est d'émettre une vibration. Mais si vous parlez, perte de mémoire à court terme, puis. Non, j'en pense rien, pas en tout. Rien du tout. D'ailleurs, j'ai une glande pinéale assez active. Elle n'a pas l'air atteinte trop. Elle me serait servie. Puis pourtant, je connais beaucoup de gens que ça ne semble pas très actif chez eux, certaines capacités. Puis ils ont une mémoire parfaite. Puis ils finissent leurs phrases insignifiantes. À chaque fois. En tout cas, 80 000 pages va sortir bientôt sur Pfizer. Ah oui, oh, j'espère que c'est. Oui, il y a un juge hein, qui a ordonné. C'est pas ce qui était supposé être sorti juste en 2076. Là, il y a un juge finalement qui a ordonné que ce soit rendu public. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Mais j'ai pas d'espoir ou de certitude. J'espère que c'est vrai, mais je me fie pas là-dessus. Si ça arrive pas, je vais pas non plus être surpris. On comprend tout quand tu termines pas tes phrases. Oui, je le sais que. Comme là, je n'ai pas terminé ma phrase. J'ai pas besoin. C'est certain que ça peut être comme Isia. Ça peut être tannant pour quelqu'un qui essaie de transcrire mon propos parce que je n'ai pas un propos fait pour être transcrit tant que ça. C'est vraiment oratoire. C'est fait pour. C'est de la parole. Des fois, si on le retranscrit sur papier, c'est plus du tout pareil. Puis ça devient difficile. Quelqu'un qui finit pas ses phrases, il y a tout à trois petits points, puis trois petits points. Puis là, ça prête à interprétation. On n'a pas tout le temps la vibration dans. Qu'est-ce qui pourrait déclencher la révolte populaire à laquelle tu fais référence? La souffrance. L'incapacité de vivre dignement. Une grande souffrance, une incapacité de vivre dignement, le désespoir, le fait de se rendre compte qu'on n'a rien à perdre. D'ailleurs, on n'a rien à perdre. Ça déclenche des émeutes, des réformes, des... Prenez ce qui est arrivé en France, habituellement, c'est quand il n'y a plus de pain. C'est quand les majeurs meurent de faim, ils n'ont plus rien à perdre. Ça a été ça, la révolution, au fond, même si ça a été instrumentalisé, ça a été voulu. Je veux dire, Louis XVI, là, avec Necker, puis tout, il y a eu une crise économique liée justement empruntée à des banquiers, puis tout, puis finalement, il y a eu une crise économique planifiée de l'extérieur. Le roi était naïf, il a embarqué là-dedans. Finalement, les gens ont manqué de pain. Après, c'est facile d'orienter une révolte, puis de faire tomber la monarchie. Puis là, finalement, c'est les bourgeois, puis les financiers qui prennent le contrôle. C'est la nouvelle noblesse. D'ailleurs, on voit plus tard, quand qu'il y a une restauration, puis que la noblesse revient, c'est des bourgeois anoblis, des marchands, puis des... Voyons, ça commence avec les Médicis. Les Médicis, c'était pas des nobles, ça. Pourtant, ils se sont mariés avec des têtes couronnées, puis c'est des prises de pouvoir, c'est des... En tout cas, moi, c'est les banques qui m'inquiètent et les nouvelles assues à mec maison. Je sais pas. Ils vont tous nous faire perdre. Ouais, ben là, si vous vous êtes prémunis, il y a un moyen de se prémunir. Je veux dire, à un moment donné, tôt ou tard, ils vont revenir à l'or. Ils n'auront pas le choix. Puis même si c'est écrit quelque part dans la Bible, je ne sais plus quel prophète qui dit, ils vont jeter, les gens vont, vers la fin des temps, ils vont jeter leur or dans la rue, en se rendant compte que ça vaut rien, ça, j'embarque pas là-dedans. Un jour, il va falloir revenir à l'étalon or. L'affaire, c'est qu'il va falloir survivre en attendant. Quand l'économie est plus... En tout cas, cela sent la remilitarisation en Europe. Ah oui, vous trouvez? Moi, je trouve ça sentait dès que les Américains sont entrés, puis ont commencé à mettre des bases militaires un peu partout. C'est eux qui ont fait leur réunion, là, l'OTAN, là, par rapport à l'Europe. Ils l'ont fait sur la base de Rammstein, en Allemagne. C'est remilitarisé. Ça a jamais été démilitarisé, l'Europe. Puis, si vous pensez qu'il n'y aura pas de conscription d'imposer, puis vous vous trompez, regardez en Ukraine. Ils ne laissent pas les réfugiés mâles d'un certain âge partir. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est ta vibration de crisser ton camp. Moi, mettons que j'ai la vibration de crisser mon camp, il n'y a pas un MP qui va me forcer à... Je vais me battre, ça va être la guerre, là, tout de suite, contre lui. Puis, je m'en fous des conséquences. Moi, c'est une affaire de vibration. Puis le pire, c'est mes deux grands-pères, maternels et paternels, n'ont pas combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'ils se sont arrangés pour ne pas avoir à le faire. Puis je pense que j'ai de qui tenir. Ça ne veut pas dire que j'ai des gènes de lâche qui ne feraient pas la guerre quand c'est le temps. Mon premier ancêtre est Amérique, en Amérique est arrivé avec un régiment d'élite. Le régiment de Carignan-Salière qui était venu pour défendre la citadelle de Ville-Marie, de la ville de Montréal. Donc, je viens d'une lignée de militaires. En plus, c'était pas un petit militaire. Là, puis en France, son père, à lui, avait été. Il avait eu il avait eu une charge, un poste assez important. Puis il a préféré venir en Amérique, puis par après, quand ça a été fini, d'être obligé de défendre la citadelle contre les Iroquois, il a décidé de devenir simple laboureur. Ça, c'est le fun. Pourquoi pas? Bon. Ici aussi, ça sent les soldats. J'ai eu deux visions et un rêve, moi. Ah, ben, il se prépare des choses, c'est certain. Il y a supposément des camps pleins de prisons en dessous du stade olympique installé dernièrement. Ah, ouais. Ben, je sais pas, tu sais, à un moment donné, il y avait eu des réfugiés haïtiens, puis ils les avaient mis là. Peut-être qu'ils prévoient qu'il va y avoir un flux migratoire. Puis, regardez, Trudeau ne veut pas fermer Roxham. Ça, là, c'est de l'hostie d'hypocrisie de la part de Legault. Ouais, Legault, il y a une police provinciale, puis admettons qu'il décidait de le fermer sous son bord, puis là, qu'il décide de négocier avec Ottawa, puis qu'on n'a pas le choix de négocier ça, puis tout. Trudeau, il n'aurait pas le choix de tuer. Le fédéral, je comprends qu'il contrôle la frontière, là, mais sur le territoire québécois, Legault, il a le droit de... On nous impose des petites vites. Il n'est pas plus contre le chemin Roxham que Trudeau, tant qu'à moi. Legault, même, il se sert de tout ça. Comme opportuniste, populiste, dégueulasse qui. Mais admettons que Legault voulait vraiment que le chemin Roxham soit fermé, il serait fermé. Puis Trudeau serait obligé de négocier avec. Ou bien de. Voyons, là. C'est incroyable, c'est comme l'affaire. Oh, l'indépendance du Québec, les référendums. Hey! Un gouvernement majoritaire, là, il peut sortir de la Confédération. C'est législatif, c'est faisable. Alors, le monde est cave, j'ai tellement en crise. On n'a jamais eu personne qui tenait ses culottes. C'est une gang de clocherons qu'on a. On n'est pas représenté comme il faut. On est. Duplessis, il avait pensé à sortir de la Confédération. Finalement, bon, il n'a pas fait. Mais... En tout cas. Le chef de l'Ukraine a vraiment une vibration de marde, oui. Lui, il aurait dû tenter sa chance à Hollywood. Je pense qu'il aurait réussi. Ben oui, il aurait pu faire des films là, avec Seth Rogen ou je sais pas trop. Là. Hein? On va faire des arpèges au piano avec sa petite guirine. Probablement qu'on a promis au pourri en face scrotal un nouveau corps après que leur mandat sera fini. Je sais pas. Ça devient assez. Des fois, c'est plus simple que ça, comme je vous disais. Voyons, j'ai une crampe dans le pied. Je ne parlais pas par rapport à Bertol, mais beaucoup de gens oublient des choses basiques comme des prénoms, des proches. Et oui, j'ai remarqué ça, mais ça peut être lié, entre autres, oui, peut-être une calcification. Le sucre raffiné, hein, c'est pas bon pour le cerveau. Même si le cerveau, c'est du gras et du sucre, mais je veux dire, il y a des sucres mieux que ça. Là. Comme. Vous savez, les vieux sucres qu'il fallait râper, ou les sucres bruns, là. En tout cas, en plus, au Québec, on a des bons sucres. Bon, ben non, les gens s'empoisonnent. Pis... Oui, peut-être. Ben, j'ai une tante qui est comme ça. C'est pas l'âge, elle a toujours été comme ça. Elle, là, depuis que, par contre, depuis que j'ai un ordinateur et Internet, c'est bien plus le fun de parler avec elle. Parce que dès qu'elle me sort de quoi qu'il n'y a pas d'allure, je vais sur Internet, je sors Wikipédia, puis je lui demande qu'elle se trompe de date ou qu'elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Mais à ce temps, tu peux aller chercher des brevets, tu peux aller chercher tout de suite là, la preuve. Comme il y a une maison qui m'astinait. En premier, les cérubins ou les sirons dans les séries. Là. Puis il m'astinait, puis tout. Puis j'ai sorti les brevets. Puis j'ai pu prouver mon point. Ben oui, ça a ça de le fun. Les gens qui n'ont pas de mémoire, au moins il y a Internet qui peut servir de mémoire quand ils nous astinent. Parce qu'il reste que les gens, ils ont des mémoires de poissons rouges de plus en plus. Là, c'est comme ceux qui disent « Ah, oh, il faut être dans le moment présent, dans le moment présent. » Le but, là, c'est pas de faire en sorte que l'âme soit complètement dissoute puis qu'on n'ait plus de mémoire parce qu'on n'en a plus besoin, mais au moins de ne pas être assujetti à la mémoire, qu'elle soit un outil, qu'on ne soit pas l'outil de la mémoire, c'est tout. Je vois pas de mal. Là. Donc, bon, ben moi, je vais y aller. Je vais aller manger. C'est drôle, j'ai plus mal à l'estomac. Là. Je vais mieux. Donc, moi, mémoire courte. Mémoire à... Or, par contre, prenez les certains aspects de l'âme les plus dangereux. Il y a la rancune. Ça, c'est quand l'émotivité nourrit une mémoire, puis c'est lié à l'émotivité, la mémoire. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un est traumatisé? Il peut refouler l'événement, puis en perdre la mémoire. Le jour où, individuellement, on va comprendre ces sciences-là, ces lois-là, ces choses-là, on va être bien moins manipulable. Ça va être... vous savez, là. Merci pour le live et bon appétit. De rien. Là, je sais qu'il y en a qui m'écrivent. Ça fait des mois que je ne suis pas allé. Que je ne réponds pas. C'est sûr que j'arrête pas de remettre ça. Là. Des fois, je procrastine un petit peu. Je vais essayer, là, prochainement. Entre ce live-ci et le prochain live, je vais essayer d'aller répondre. Aux correspondants. Ah ben merci à vous, Cindy. Bon ben merci à tout le monde. Vous êtes combien? Ah, il y a plus de monde qu'au début. T des fois, je perds du monde, là, mais souvent, c'est parce que c'est vu les heures où je fais ça. Il y en a, il faut qu'ils dînent, il faut qu'ils aillent travailler. Finalement, aujourd'hui, ça a donné rien. Puis, donc, bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée. Au revoir.